السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, إن شاء الله تعالى نصوم عشر محرم 1428 بإذن الله عز وجل, c'est-à-dire le 29 janvier 2007 بإذن الله عز وجل. La fois passée, on parlait de, je crois que le dernier hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, si je me rappelle bien, on s'était arrêté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ta'ala khalaqa da'a wa khalaqa dawa fatadawu wa la tadawu bi haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la maladie, il a créé avec elle son médicament. Il a créé aussi son médicament. Ensuite, il a dit tadawu, soignez-vous. Wala tadawu bi haram. Mais ne vous soignez pas avec le haram. Non. Quand on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse, on ne se soigne pas avec, par exemple, de l'alcool. Ni on se soigne par exemple avec de la sorcellerie. On va chez les sorciers pour y demander la guérison. Mais on doit se soigner avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a permis. Naam. De toute façon, en ce qui concerne beaucoup de questions, des fois arrivent en ce qui concerne. On se soigne pas, on fait rien, on fait pas. Inch'Allah ta'ala, je voudrais dire, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, on peut diviser, par exemple, tadawi, le fait de se soigner. On peut diviser les soins, ou le fait de se soigner, en trois sortes. La première sorte, quand on sait, ou bien, si on ne sait pas à 100%, on a de forts doutes. En arabe on dit yaghlib ala dhann. On a de forts doutes que ce médicament bi'idna azza wa jalla, ce médicament il donne des résultats d'après beaucoup d'expériences. Donc le premier cas, on sait que ce médicament bi'idna azza wa jalla, pour la maladie qu'on a, Il donne, bi'idnillah, c'est pas de lui-même, il donne, bi'idnillah, des résultats. Et de l'autre côté, on a de forts doutes que si on n'utilisera pas ce médicament, on peut avoir de gros problèmes, voire même mourir. Dans ce cas, on est obligé de se soigner avec ce médicament. Si on ne le fait pas, on a même des péchés. Non, parce que c'est obligé de se sauver, obligé de sauver son âme et de ne pas se laisser mourir quand on peut. Ça c'est le premier cas. Le premier cas c'est quoi? C'est on sait d'un côté que ce médicament bi'idn azza wa jal donne des résultats, et de l'autre on sait aussi que à 80% ou à 90%, si on ne prend pas, si on ne se soigne pas, il va nous arriver des problèmes, voire même mourir. Dans ce cas, il est obligé de se soigner. Le deuxième cas, on sait que ce médicament bi'idna azza wa jal donne, on l'a par expérience, il donne bi'idna azza wa jal des résultats. Il est efficace et il donne des résultats. Mais cette fois, nous savons aussi, ou plutôt, yani la yaghlib ala dhan, ma adam ghalabat dhan, yani à 70%, 90%, on sait que si on ne prend pas, il ne va rien nous arriver. C'est-à-dire, on ne va ni mourir, ni avoir de graves maladies. On sait ça. Ici, Cheikh Ibn Othaymeen Rahimahou a dit, ici, dans ce cas, le deuxième cas, de préférence, on se soigne. Quand on sait le médicament, il est efficace. Et même que, yani, on sait que si on ne le prend pas, rien ne nous arrive, il a dit, de préférence, dans ce cas, deuxième cas, on se soigne. Et le troisième cas, c'est quoi? C'est quand les deux possibilités sont égales. Les deux possibilités sont égales. C'est-à-dire, en prenant ce médicament, on peut guérir à 50% et on peut mourir à 50%. On ne sait pas. Par exemple, le médecin dit, on lui demande de notre cas, par exemple, il dit que ça nécessite une opération chirurgicale. On lui dit, est-ce que yani, d'après vous, cette opération yani, elle marche dans, yani, y a des médecins compétents, etc. Il dit, wallahi, à 50% ça marche, à 50% ça ne marche pas. Yani, des fois, la personne est sauvée, et des fois elle meurt dans cette opération. Cheikh Ibn Othaymeen Rahimahou a dit ici, on ne doit pas subir cette opération, ni prendre le médicament. Là. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on va rentrer dans ne jetez pas de vos âmes ou de vos mains dans yani tehluka, vous allez yani périr. Là, ce sont des choses qui vous font périr. C'est en ce qui concerne le dars passé du Ibn Azza wa Jal. Aujourd'hui, le dars d'aujourd'hui du Ibn Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1774. Troisième cas, les deux possibilités sont égales, c'est-à-dire que c'est curable à 50%. Naam. Et à 50%, c'est mortable, à 50%. Il a dit, mais dans ce cas, on ne rentre pas. On ne rentre pas dans l'opération, ni on ne prend le médicament. Hadith 1773, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith authentique, bien sûr, Abu Daoud, Tirmidhi, Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allaha زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الله سبحانه وتعالى البروفيت عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى ما غاسمبلي لا تير قبل لا تير pour nous c'est quelque chose d'immense, صح؟ يعني ما شاء الله pour traverser يعني du sud au nord ou de l'est à l'ouest ou je sais pas combien de kilomètres. الله سبحانه وتعالى l'a rassemblé comme ça, yani, comme par exemple un pois chiche. Il l'a rassemblé comme ça tout de suite et il l'a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit fara'aytu mashariqaha wa maghribaha, j'ai vu ses est et ses ouest, yani, tellement il l'a rapproché et rassemblé devant moi. Il a dit inna mulka ummati sayblughu ma zuwiyadi minha, et ce que ma nation bi'idnaha azza wa jal va avoir, yani, ma nation va faire ce qu'on appelle futuhat. Maintenant on est seulement à Médine, ensuite on va conquérir par exemple l'Égypte, ensuite l'Irak, ensuite l'Afrique, et ensuite la Chine, et comme ça. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré et j'ai vu yani, tous les endroits ou tous les pays, ou si on peut dire les endroits de la terre qui vont appartenir à ma nation, que ma nation, c'est-à-dire bi'idna ta'ala, va conquérir. Il a dit wa inni u'taytu al-kindain al-ahmar wal-abyad, et on m'a donné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné al-ahmar wal-akinzain, les deux trésors, le rouge et le blanc. Les deux trésors, le rouge et le blanc. Le rouge en général, c'est quoi? C'est l'or. L'or, naam. Et le blanc, c'est l'argent. Naam. Certains ulama ont dit, quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, que je vais prendre, bien sûr, c'est Allah qui va m'aider, bien sûr. Il a dit, je vais prendre yani, les deux métaux, l'or et l'argent, le rouge et le blanc. Certains ulama ont dit, يعني كنز كسرى وقيصر ملك العراق والشام. Ça veut dire il va prendre les trésors de qui? De Kisra. Kisra, je ne sais pas comment il s'appelle en français, il a un nom c'est sûr, le roi de autrefois c'était le roi de l'Irak. Il a dit Kisra ou Qaisar. Qaisar aussi ça a un nom en français, c'est un roi aussi, c'était le roi du Sham, de la Syrie et ses environs. La Syrie autrefois, c'est la Syrie et ses environs. C'est pas seulement il y a la Syrie, Sham, c'est ça entre même l'Ordon à l'intérieur et beaucoup de pays. Donc il a dit que yani, on arrivera jusqu'à là-bas jusqu'à ce que ma nation prenne les trésors de Kisra et de Qaisar. De Kisra et de Qaisar. Ensuite il a dit wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yahliku bi sanatin 'amma. Et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala afin que yani, ma nation ne périssent pas dans une sécheresse générale. Non, dans une sécheresse générale. Vous avez remarqué que quand il y a des fois une sécheresse, il y a dans un pays, il n'y a pas dans un autre. Même dans le même pays, il peut y avoir sécheresse du côté de l'Est, il n'y a pas du côté de l'Ouest, dans le même pays. Et des fois, même si c'est tout le pays, mais tous les autres pays ou beaucoup d'autres pays n'ont pas la sécheresse. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous fasse pas périr par une sécheresse générale. Générale, ça veut dire aucun pays sur terre ne peut, yani ne peut être sauvé. Alhamdulillah. Et aussi, il a dit, wa inni sa'at rabbi, yani je demandais aussi à Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yusallita alayhim aduwan min siwa anfusihim. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne, yani, le salat alayhim c'est un peu difficile à dire en français, yani que leur ennemi ne soit pas un étranger à eux. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala que leur ennemi ne soit pas bi'idhn azza wa jal un étranger à eux. Fa yastabih baydatahum, ça veut dire il va leur prendre le bayda, c'est donc on dit par exemple le bayadat dar, c'est le milieu de la maison. Ici il veut parler, yani, c'est des exemples que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que ne vienne pas yani, un ennemi étranger et qu'il leur prenne tout. Ça veut dire yani, il va yani, leur faire des problèmes yani, en islam bien sûr. En islam, dans le khalifa, dans le gouvernorat, dans ces choses-là. J'ai demandé à Allah qu'il ne leur fasse pas cela. Il a dit وَإِنَّ رَبِّ عَزَّ وَجَلْ قَالْ et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est ce qu'il a dit, يَا مُحَمَّدْ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِلَّهُ لَا يُوَلْدْ. يَا مُحَمَّدْ, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, يَا مُحَمَّدْ, moi, quand j'écris quelque chose yani dans le destin ou la prédestination, لَا يُوَلْدْ, yani personne ne peut le rendre. Donc quelque chose est écrit sur le tableau préservé par exemple, personne ne peut rendre la chose qui a été écrite, ni personne ni yani une chose. قال واني اعطيتك لامتك ان لا اهلكهم بسنه عامه. Il lui a dit d'abord j'ai exaucé ton premier doigt parce qu'il m'a demandé de ne pas les faire périr par quoi? Par par une sécheresse générale. Non, je leur ai donné, inshallah, que je ne vais pas les faire périr par une sécheresse de Ibnillah ta'ala générale. Et que aussi, je ne vais pas, yani, leur permettre, je ne vais pas permettre à un ennemi étranger, yani, qu'il fasse, yani, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il leur prenne le gouvernorat, etc. Yani, istabih baydatahum. Yani, qu'il leur fasse des problèmes, il les tue, etc. Walou ijtama'a alayhim min bayni aqtari'a. Yani, même s'ils sont nombreux, ou là, ils viennent de partout, là, ils encerclent tout, ils ne pourront pas, بإذن عز وجل, faire cela. حتى يكون بعضهم يثني بعضا. Jusqu'à ce que, يعني, on a dit, le problème c'est qu'il viendra d'eux. يعني, entre eux-mêmes. Ce n'est pas l'étranger qui pourra, mais entre eux-mêmes. طيب. Il a dit, وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. Ce que j'ai peur en ce qui concerne ma nation, le prophète Ali Sallam a dit, mais ce qui me fait peur en ce qui concerne ma nation, c'est l'A'imma al-Mudillin. L'A'imma, vous savez, c'est le pluriel de imam. Imam. En arabe, quand on dit imam, ce n'est pas obligatoirement celui qui guide les gens dans la prière. C'est pour ça que quand le prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, a dit sept personnes, yani, seront dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura pas d'ombre, en ombre, azza wa jal, il a dit, c'est qui le premier? Il a dit, imamun adil, un imam juste. Le imam, c'est pas celui de la salat. Toute personne qui a une responsabilité, cette personne est un imam par rapport aux autres qui sont sous sa responsabilité. La femme est une imam. Ah, c'est interdit à lui-même d'être injuste, subhanallah l'adhim. Est-ce que quelqu'un lui a ordonné qu'il soit injuste? Si Allah Ta'ala voulait être injuste, il le ferait. Quelqu'un peut lui dire pourquoi tu es injuste, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit à lui-même qu'il soit injuste. Alors si lui, qui subhanahu azza wa jal, s'il veut être injuste, personne n'a le droit de lui demander pourquoi. La yus'al amma yaf'al wa yus'alun. Alors qu'en est-il de nous? C'est Allah Ta'ala qui, s'il veut être injuste, il peut. Et personne n'a le droit de lui dire pourquoi. Et il s'est interdit d'être injuste. Alors ça veut dire, qu'en est-il de nous? Ça veut dire que nous aussi, on doit s'interdire d'injustice. C'est-à-dire on doit être juste et équitable. On doit être juste et équitable. C'est pour ça que les ulama disent, subhanallah al-azim, ils disent, quand on a peur de quelqu'un, on fuit de lui. Et quand on a peur d'Allah, on fuit vers lui. Subhanallah, Allahu Akbar. Quand on a peur de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fuit de lui. S'il est dans cette ville, je vais changer de ville. S'il est dans ce pays, je vais changer de pays. C'est un criminel, il va nous tuer. Non, mais je vais fuir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a peur de lui, qu'est-ce qu'on fait? On fuit vers lui. On va vers lui. On pleure la nuit. On fait des siyam. On donne de l'argent au monde. On fait le repentir. On regrette ce qu'on fait. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça le signe qu'on a peur de lui. Non, si on a peur de lui, on fuit vers lui. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Fafirru ilallah. Fuyez vers Allah. Fafirru ilallah. Non, fafirru ilallah. Il n'a pas dit firru min Allah. Il n'a pas dit fuyez de Allah. Il a dit fuyez vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, l'être humain, on fuit de lui, et Allah Ta'ala on fuit vers lui. Et l'être humain, on a peur de son injustice, et Allah Ta'ala on a peur de sa justice. Subhanallah, Allahu Akbar. Comment cela? Naam. L'être humain, on a peur de son injustice. S'il est injuste, il peut tout nous faire. Nous emprisonner, nous tuer, etc. On a peur de son injustice. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, on a peur de quoi? On a peur de sa justice. Pourquoi? Parce que s'il devient juste avec nous, on va tous aller en enfer. Si Allah Ta'ala va dire demain, le jour du jugement dernier, demain, il va dire, il va dire, je vais procéder avec vous, avec ma justice. S'il procède avec sa justice, tous on va aller en enfer. Mais, alhamdoulilah, il procédera avec sa miséricorde. Bi rahmatihi. Naam. S'il emploie sa justice, place. Jahannam. Naam. Mais il emploie avec les musulmans, les croyants, il emploie son indulgence, sa miséricorde. Naam, sa miséricorde. Lui, le très très miséricordieux. Rahman Rahim. Sinon, on va tous périr. Tayyib, il va lui dire à cette personne, viens assister à ton pesage. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner que cette étiquette soit d'un côté de la balance. Et que les 99 livres soient de l'autre côté de la balance. Quand on a mis, sûrement ce sont les anges qui mettent, quand ils ont mis les livres d'un côté et la petite étiquette qui fait 1 gramme ou 2 grammes, ils l'ont mise du côté, de l'autre côté, du côté droit, il a dit Fatashit, Fatashit Sijillatu wa Thaqulat al-Bitaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fatashit, yani, est devenu très très très léger, ou là sont devenus très très très légers les livres, les tombes. Ils sont devenus très légers, ils ne pesaient rien. Par rapport à quoi? Ils ont dit par rapport à l'étiquette qui est devenue très lourde et qui a fait descendre le poids de son côté. Naam. L'étiquette a fait descendre le poids, la balance de son côté, et les livres sont montés tous vers le haut. Tellement ils étaient quoi? Tellement ils étaient légers. Devant quoi? Devant La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour terminer ce hadith, il a dit وَلَا يَفْقُلُ مَعَ إِسْمِ اللَّهِ تَعَلَى شَيْءٌ. Il a dit, il n'y a rien qui peut être plus lourd devant ou là par rapport au nom d'Allah Azza wa Jal. Naam. Donc, La ilaha illallah, c'est pas plus lourd. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. À condition que quoi? Que ces deux phrases La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sortent vraiment du cœur. Celui qui les a dit, il sait qu'est-ce que ça veut dire premièrement, et deuxièmement il les fait sortir du cœur, et troisièmement il ne les annule pas avant de mourir. Il faut que vous sachiez que La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est exactement comme tu as fait les ablutions. Naam. Mais les ablutions peuvent s'annuler en urinant, en faisant sortir des gaz, en mangeant la viande du chameau. Donc ça peut s'annuler les ablutions. La même chose, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Si tu vas à la tombe pour demander aux morts de te donner des enfants, tu as annulé La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Si tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala, tu as annulé La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Si tu, mon on dit cette mettra, yani, c'est quoi, tu plaisantes en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la de sa sunnah, tu te moques, tu commences à te moquer, tu dis la barbe elle est une barbe de brebis, c'est une barbe de brebis, elle dit c'est quoi cette barbe, tu as annulé La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Regardez le siwak. Le siwak c'est quoi? Le siwak c'est un morceau de bâton, c'est rien, c'est un morceau de bâton. Ça, tu le trouves dans la rue, tu n'es pas obligé de le prendre. Ce n'est pas yani, une ibada, c'est un morceau de bâton. Mais, si tu vas te moquer du siwak, tu dis ce siwak, c'est quoi ça? Ça, c'est de la pourriture, c'est de la. Tu vas dire des mots comme ça, tu as perdu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pourquoi? Bien sûr, si tu savais que le siwak, c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quiconque se moque d'une des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il faut qu'il rentre de nouveau dans l'islam. Naam. Quiconque se moque d'un verset ou d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fût-elle très simple ou qui paraît qu'il n'a pas d'importance, tout a de l'importance. C'est pour ça que nous on ne dit pas comme disent par exemple les frères musulmans. Ils disent ça c'est des koufours, ça c'est des épluchures. Naam. Parlons du vrai, ne parlons pas des épluchures. Quand tu parles avec quelqu'un des frères musulmans, il te dit la barbe c'est des épluchures, ne parle pas de la barbe. Le siwak, pourquoi parler du siwak et de la barbe et de istiraha et de ceci cela, tout ça c'est des épluchures. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit attention, tu as dit kalimat kuf, tu as dit quelque chose de grave, tu as dit quelque chose qui peut te faire kafir. Naam. Tu es sûr ce que tu dis, ça tu peux devenir kafir parce que tu veux dire que la barbe etc., on peut la jeter dans la poubelle parce que tu as dit que c'est des épluchures. C'est pas quelque chose c'est le contraire d'épluchures. On a par exemple, on a la pomme, on a les épluchures et on a la pomme elle-même. Naam. Eux ils font la différence. Nous on dit kullun min indillah. Nous qu'est-ce qu'on dit? Les sunnas disent tout est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'a dit le prophète a de faire, je le fais. Quand je peux, bien sûr. Et c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où les ulama ont dit, quand ils divisent, par exemple, quand Allah Ta'ala a dit, laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana, et uswatun hasana. Allah Ta'ala a dit que le prophète sallam, c'était, yani, celui qu'on devait suivre et imiter. Les ulama ont divisé ça, ils ont dit, par exemple, le prophète sallam, il y a cinq sortes où on le suit, on l'imite. Par exemple, et à chaque sorte ils ont donné les règles, est-ce qu'on suit, est-ce qu'on suit pas et comment qu'on le suit. Ils ont dit comme ça, grosso modo, par exemple, ils ont dit dans la façon, par exemple, de dormir, de manger, de boire. Deuxièmement, ils ont dit dans Teshehi, à convoitise. Est-ce que quand il veut manger quelque chose, est-ce que nous aussi on doit aimer cette chose qu'il aime ou là on l'aime pas. La troisième sorte, ils ont dit dans les habitudes. Les habitudes, c'est la façon de s'habiller, par exemple, la façon de mettre le turban. Est-ce qu'on doit l'imiter dans ça ou non? Quatrièmement, ils ont dit ittifaq. Ittifaq, ce sont les choses qu'il fait sans intention, sans le vouloir. Il arrive dans un endroit, il est en voyage. Il arrive dans un endroit, il dit descendons ici. Il descend ici, ils vont faire la prière, etc. Est-ce que nous, si on fait le voyage sur le même chemin, on arrive au même endroit, est-ce qu'on descend là-bas au même endroit exactement? Le prophète Hassan n'a pas voulu descendre, c'était parce qu'il était fatigué, il est descendu. Et ensuite, il y a les adorations, limitées dans les adorations. Et chaque sorte, bien sûr, a des détails. Nous, je voulais dire que Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit j'aimais pas les courgettes. J'aimais pas les courgettes. Mais quand j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il mangeait les courgettes, quand il trouvait quelque chose où il y avait les courgettes, il ramenait comme ça les courgettes de son côté pour les manger. Il a dit alors, j'ai commencé à manger les courgettes, même si je ne les aime pas. Non, regardez, quand quelqu'un aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie même de manger une chose que il ne l'aime pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il va la manger jusqu'à vomir. S'il ne l'aime pas, il n'aime pas. Mais au moins il goûte. Il goûte une fois, il dit, allez, juste pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les courgettes, et je vais manger même un petit morceau. Même juste, si je n'aime pas, mais un petit morceau. Non, juste pour montrer que j'aime suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, plus elle est ancrée dans le cœur, et plus la personne qui l'a dit a bien compris. La ilaha illallah, c'est pas la dire seulement. Le perroquet peut la dire et il ne va pas aller au paradis, le perroquet. Non, quelqu'un qui a compris qu'est-ce que ça veut dire et qui a appliqué la ilaha illallah, ça va lui donner dans cette dunya une grande lumière dans son cœur, et dans l'au-delà, quand on va passer sur le sirat, on va passer la nuit sur le sirat. Imaginez par exemple quand quelqu'un est au cirque, il va traverser une corde. Maintenant, les ulama disent c'est plus fin qu'une épée. Non. C'est comme un cheveu, fin comme un cheveu, et tu vas monter dessus et traverser ce cheveu qui fait de je ne sais pas combien de mètres ou bien de kilomètres. Tu dois le traverser dans une obscurité totale. Alors, si tu voyais avec tes yeux, tu ne pourrais pas. Imagine maintenant dans une obscurité totale, et si tu tombes, il y a en bas Jahannam. Sous le sirat, sous ce cheveu, il y a Jahannam en bas. Entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse. Ici, beaucoup de gens se basent sur un hadith. Ils disent que le sirat est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Ce hadith n'est pas vrai. Ce hadith n'est pas sahih, inshallah ta'ala. Mais son sens est vrai. Ça veut dire que c'est vraiment une fin, la chose sur laquelle on va passer. Donc, quand tu vas passer sur le sirat, comment tu vas voir? Il y a quelque chose qui va sortir de toi, une lumière qui va sortir de toi. C'est elle qui va te guider, te montrer où mettre tes pieds. Et cette lumière, tu l'auras là-bas, d'après la batterie que tu as chargée ici. Tous, on a une batterie. Où est-ce qu'elle est la batterie? Chez le mécanicien? Non, elle est dans ton cœur, elle est dans ton corps, c'est ton cœur. On a une batterie, c'est le cœur. C'est là qu'il y a la ilaha illallah, c'est là qu'il y a, c'est ancré. C'est là que c'est ancré, ces deux phrases sont ancrées. D'après comment et combien cette phrase est ancrée dans mon cœur, d'après ça va me donner la lumière le jour du jugement dernier, le jour où je passerai sur ce cheveu. Non, ceux qui n'ont pas dit cette phrase ici, ils vont tomber directement. Ils ne vont rien ne pouvoir même pas marcher un mètre. Ceux qui la disaient, ils n'ont pas bien compris, ils vont marcher un peu, peut-être et tomber, marcher et se redresser. Et ceux qui ont compris cette phrase et l'appliquer, et mashallah ne l'ont pas annulée, ils vont passer comme le vent, ils vont passer comme l'éclair, ils vont passer comme ça viendra inshallah ta'ala dans le hadith. Naam, ça viendra dans le hadith bi'idna azza wa jal, quand on va parler de la aqida, quand on va arriver, quand on va parler de l'au-delà inshallah ta'ala. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1780, il a dit, c'est un hadith authentique, il a dit inna Allah faddalani 'ala al-anbiya'i bi arba'. Vous savez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des prophètes, tout le monde le sait, c'est le meilleur des prophètes, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des choses que non seulement nous qui ne sommes pas prophètes ne l'avons pas, mais des choses que même les prophètes n'avaient pas. Entre autres, voilà quatre choses que seul lui avait. Quatre choses. Il a dit, premièrement, Arsalani nasi kaffa. Il m'a envoyé à tous les gens. Alors que les autres prophètes, les messagers, étaient envoyés à qui? Seulement à leur tribu. Moussa alayhi salam à Ben Israël. Isa alayhi salam au Nasara. Et comme ça, chaque messager avait une nation spéciale, il va chez elle. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah alayhi, a été envoyé à toutes les nations. Aucune personne n'a le droit de s'excuser, ni n'a une excuse demain de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, moi je me suis contenté, par exemple de Isa alayhi salam, je me suis contenté de Jésus, c'est un prophète. Et le juif dira, je me suis contenté de Moussa, c'est un prophète. Allah Ta'ala dira, non. Si tu as vécu autant de Isa, autant de Jésus, si tu as vécu en son temps, naam, Inch'Allah, tu seras parmi les premiers au paradis. Parce que tu as suivi le prophète que j'ai envoyé. Et il dira aux juifs d'antan, d'autrefois, toi, tu es un vrai musulman. Parce que tu as suivi Moussa en son temps, alayhi salam. Mais maintenant que j'ai abrogé, que j'ai dit, classe, ne suivez plus cela, suivez celui-là, le nouveau. Vous n'avez pas accepté. Vous avez dit non, moi j'accepte pas. Moi, je m'arrête ici. Je n'accepte pas. Alors la différence entre nous et eux, c'est que nous, on croit en notre prophète et en leur prophète tous. Et eux, ils croient seulement en leur prophète, ils ne croient pas en notre prophète. Ils disent non, celui-là c'est seulement le prophète des Arabes. Ce n'est pas le prophète de l'humanité. Naam. Et s'ils avaient vraiment cru en Allah, ils auraient dit sami'na wa ata'na. Ils auraient dit ya Allah, j'ai entendu, je vais appliquer. Moi, je dis à Allah, tu m'as dit de suivre celui-là ou celui-là ou celui-là, je ne fais pas de différence. Ya Allah, si tu es ravi que je suive celui-là ou celui-là, je le suis. Si tu me dis demain, ya Allah, tu me dis demain, ne suis plus celui-là, je ne vais plus le suivre. Moi j'ai été créé à Allah pour t'obéir. C'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui donne aussi des conseils à Allah. Je vais lui dire, on voit celui-là, on n'en voit pas celui-ci. Non, moi je dis sami'na wa ata'na. Je dis Allah, toi tu ordonnes et moi j'applique. Toi tu es le maître et moi le serviteur. Le serviteur, quand on a un serviteur à la maison, ou là la bonne, ou là je ne sais pas qui elle, c'est elle qui donne des ordres. C'est la maîtresse qui donne des ordres. L'autre elle applique. Va à la cuisine. Va laver ceci, va fermer la porte, va me ramener le bébé, va ceci. Elle dit naam, naam, naam, naam, c'est tout. Elle n'a ni de conseil à donner, mais c'est tout. Naam, naam, naam. Voyez. Il a dit la première des choses, j'ai été envoyé à tous les gens. Mashallah. La deuxième des choses, waja'ala, yann Allah subhanahu wa ta'ala, waja'ala l'arda kullaha li, wa li ummati tahuran wa masjida. Fa aynama adraka rajulu min ummati salat. La deuxième particularité et faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis spécialement pour moi et pour ma nation, il m'a mis la terre, toute la terre, toute la terre, il a dit tahuran wa masjidan. Ça veut dire toute la terre, je peux faire le tayammum avec elle. Et je peux faire la prière dans n'importe quel endroit. Autrefois, chaque nation avait des endroits spéciaux où elle devait faire la prière. C'est pas on fait la prière où on veut. Il y a un endroit où tu vas faire la prière à l'intérieur. Dans cet endroit, sinon tu ne la fais pas. Nous, alhamdoulilah, tu peux faire la prière où tu veux, quand tu es loin de la mosquée. Non, tu es loin de la mosquée, tu fais la prière à la maison. Tu es en voyage, tu t'arrêtes, tu fais la prière en plein désert, tu fais la prière dans un jardin, tu fais la prière sur la montagne, tu fais la prière dans la plaine. Où tu es, tu fais la prière, masha'Allah. Tu n'es pas obligé d'être dans une mosquée. Quand il n'y a pas la mosquée, elle est loin de toi. Naam. Et la même chose, quand il n'y a pas d'eau, tu n'es pas obligé d'aller chercher l'eau à des kilomètres. Naam. Tu cherches à droite, à gauche, un peu dans le pré. Maintenant, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que je fais? Je mets mes mains sur la terre, sur le sol, je dis bismillah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, il n'y a pas un grand délit pour dire bismillah. Il a dit, ceux qui disent, on dit bismillah, par analogie au wudu. Il a dit, Ali, c'est pour sortir de la divergence, c'est tout. Tu mets tes deux mains sur la terre, tu dis bismillah, tu lèves tes mains, tu les joins devant tes yeux, et tu souffles à l'intérieur. Tu souffles, peut-être qu'il y a des cailloux, peut-être qu'il y a des épines, je ne sais pas ce qu'il y a, pour enlever ça, tu essuies ton visage, et tu essuies tes mains jusqu'au poignet, avec une seule frappe. On frappe pas deux fois là le sol, une seule frappe. On frappe et on s'essuie cette chose, le visage et les deux mains, et tu dis Allahu Akbar, tu fais la prière. Regardez comme Masha'Allah c'est facile. Regardez comme c'est très facile. Et Cheikh Al-Albani a facilité plus que cela. A dit, dans n'importe quel mur, tu peux frapper de tes mains et faire le taïmoum. Il a dit, même si le mur a été peint avec la peinture, pourvu que ça ne soit pas un mur en bois, pourvu que ça ne soit pas un mur recouvert de papier peint. Mais si c'est un mur normal, même s'il a été peint, je frappe sur le mur, je fais le taïmoum. Je frappe sur le carrelage, je fais taïmoum. Je frappe sur la dalle de sol, je fais taïmoum. Il a dit, il n'y a aucun dalil qui dit qu'il faut la terre et il faut la poussière. Il a dit, toutes ces choses sont venues de la terre. Non, c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, vers la fin de sa vie, a dit que ce n'est pas obligé la terre, la poussière. Il a dit, autrefois il disait, il faut la poussière. Ce qu'il a dit, ce n'est pas obligé la poussière. Ensuite, il a dit la troisième des choses, la troisième des choses qu'Allah Ta'ala a donné à son prophète et n'a pas donné à d'autres. C'est quoi? Il a dit, quand je vais faire une guerre, avec les mécréants, quand il reste entre eux et moi la distance d'un mois, il reste entre eux et moi, il me reste à marcher un mois pour arriver chez eux. Allah Ta'ala fait descendre quelque chose dans leur cœur, dans les mécréants, qui commencent déjà tous à trembler. Rob, khlas, la panique. Voilà, maintenant j'ai trouvé le mot. C'est la panique. Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a donné cette faveur que à un mois avant d'arriver. Hein? Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire une guerre, il va sortir de Médina, par exemple, pour aller à, par exemple, disons, 600 km. Maintenant, il marche. Il lui reste, par exemple, 100 km pour arriver. Et ces 100 km pour arriver, il les fait en un mois. Il les fait en un mois pour faire 100 km. Donc, quand il reste 100 km, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire aux ennemis? Il va leur faire descendre dans leur cœur la panique. Alors, quand ils ont la panique, quand quelqu'un panique, il a déjà perdu la guerre. Non. Quand quelqu'un panique, il n'est pas courageux, quand il a commencé à trembler, la guerre, inshallah ta'ala, est terminée. La guerre est terminée. Et dans un autre hadith authentique, il a dit, le prophète Islam a dit, un mois, la distance d'un mois, il donne la panique aux mécréants un mois avant d'arriver chez eux et un mois en les quittant. Non. Un mois avant d'arriver, il commence les ennemis à paniquer. Ensuite, il arrive, il fait la guerre. Celui qui est mort est mort. Celui qui est enfui, enfui. Celui qui est blessé, il est par terre, évanoui, je ne sais pas quoi. Et en revenant, le professeur, il va revenir vers Médine après avoir quitté l'endroit. Un mois, la distance d'un mois, les gens ont toujours la panique. Un mois après, pour qu'ils commencent à oublier ce qui s'est passé. La panique dans le cœur. Un cœur qui tremble, qui palpite, qui veut sortir de la poitrine. Non, ça c'est, masha'Allah, c'est quoi? C'est des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un soldat, non. Allah subhanahu wa ta'ala a tous les soldats. Non. Il a dit la quatrième des choses, c'est quoi? وَأُحِلَّ لِلْغَنَائِمْ وَأُحِلَّ لِلْغَنَائِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala m'a quoi? M'a, comment on dit, أُحِلَّ لِي, m'a rendu licite le butin, les butins. Non. Autrefois, quand les prophètes faisaient la guerre à d'autres nations, tout ce qu'ils prenaient comme butin, comme or, comme argent, comme chaîne, les moutons, tout ce qu'ils prenaient, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient les mettre comme ça, yani dans une place, par exemple, dans une grande étendue, les joindre tous, les ramasser, les amasser, ensuite les brûler dans le feu. Pardon, c'est pas eux qui les brûlent. Ensuite, ils attendent comme ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre un feu spécial du ciel. Un feu spécial, là, que va faire ce feu? Il va brûler tout le butin. Non. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, il permet le butin, les gens donc vont partir à la guerre à cause du butin. Moi, je vais aller au djihad à cause de l'or, à cause de je ne sais pas quoi. Il a dit non. Il faut que tu partes avec l'intention de plaire à Allah. Tout ce que tu vas réunir ce jour-là, il va être brûlé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ne partira avec toi à la guerre que qui? Que le sincère. Celui qui cherchait l'or et l'argent ne peut pas partir. Il va dire à quoi ça va faire? On va brûler l'or. Je vais rester à la maison, je vois la télévision, c'est mieux. Non. Alors, le sincère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir avec toi. Il part pour la cause de l'Allah, ça n'intéresse ni l'or ni l'argent. Donc le prophète a dit, mais moi, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis le butin. Il a dit, alima yani dhafan, Allah subhanahu wa ta'ala a su que on était faible. On était faible, c'est pour ça qu'il nous a permis le butin. C'est pour ça qu'il y a un hadith dans, je ne sais pas si je vais le trouver ici, il y a un hadith dans Sahih Bukhari. Dans Sahih Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Raza nabiyun min anbiya'i, il a dit, il y a un prophète, ou là, un messager des messagers, il a fait une fois une conquête. Il est allé faire la guerre sainte. Faqala li qawmih. Bon, d'abord, qui c'est ce nabi? Ce nabi, c'est pas écrit dans le Bukhari ici, mais j'ai cherché, j'ai trouvé son nom, il s'appelle Yusha ibn Nun. Il y a un messager qui s'appelle Yusha ibn Nun. Qui c'est ce messager Yusha ibn Nun? Je suis sûr que vous tous vous le connaissez et vous connaissez très bien son histoire. Mais vous ne savez pas que c'était lui, c'est tout. Vous savez c'est qui celui-là Yusha ibn Nun? Celui-là quand vous lisez Sourate al-Kahf. Il y a un dialogue entre Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, et entre son valet. Hein, il lui dit donne-nous à manger, il lui a dit j'ai oublié le poisson, etc. Il revient, etc. Vous connaissez tous ce sort, c'est ce qu'il y a, vous la lisez chaque vendredi, ça, quand il parle avec Fatah. Quand il parle à Moussa dit Fatah, lorsqu'il lui a dit Atina rada ana laqad laqina min safarin hada nasaba. Ala ra'ayta id awina li sakhrati fa inni nasitu al-hut wa man sanina ash-shaytan. Il parlait avec son Fatah. Parce que Moussa alayhi salam, quand il est allé pour rencontrer le Khadir alayhi salam, il a pris avec lui un valet. Ce valet avait pris dans un filet un peu de poisson, ça. Ce valet, c'est Yusha ibn Nun. Naam, ce valet, c'est un prophète. Il s'appelle Yusha ibn Nun. Donc, conclusion. Les trois personnes dans laquelle, qui se trouvent dans Sourate al-Kahf, ce sont tous les trois des prophètes, des messagers. Moussa alayhi salam et son valet, Yusha ibn Nun, un messager, et le Khadir alayhi salam, un messager. Les trois, ce sont des messagers de Ibn Azzawji. Donc, dans le Bukhari, il dit que ce prophète, ou ce messager, Yusha ibn Nun, il est allé faire une fois, il est allé faire quoi? Il est allé faire la guerre sainte. Alors, il a dit à sa nation, à son groupe, avant de faire le djihad, qu'est-ce qu'il leur a dit? La yitba'ni rajulun malaka bud amratin. Il leur a dit, il y a trois gens, ou trois sortes de personnes. Barakallahu fikum, c'est pas la peine qu'il vienne avec moi au djihad. Il a dit, il y a trois sortes de personnes. Je vais vous les citer. C'est pas la peine qu'il vienne avec moi au djihad. Vous allez voir pourquoi. Il a dit la première personne. C'est qui? Il a dit Rajulun, une personne. Rajulun, Malaka Bud'a Mra'atin. Une personne qui a déjà fait le Aqd, Aqd Shar'i, avec une femme. Là, il a fait le Aqd Shar'i avec la femme, qu'on appelle le fiançailles. Là, on lui a donné la fille. Il a apporté son mahram, les témoins, ils ont lu le dua, hein, on n'est pas sorti le fatiha. On n'est pas sorti le fatiha, alhamdoulilah, rabbil alamin, dans le mariage. Ça, c'est bid'a. On lit, inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu ila akhir, jusqu'à la fin. Et ça, c'est qu'on lit. On n'est pas le fatiha. Le fatiha, on n'est pas dans la salat, on est dans le mariage. Le fatiha, c'est quand je dis Allahu Akbar, je la lis. Et je termine par salamu alaykum. Je ne suis pas dans quoi? Dans une salat, je suis dans un mariage. El Mohim. Donc ce prophète a dit, quiconque de vous a déjà, yani la femme a déjà fait le aqd sur elle, mais n'a pas encore consommé le mariage, celui-là qui ne vient pas avec moi au djihad. Ça c'est la première personne. Il a dit la deuxième personne, qui aussi ne doit pas me suivre, il a dit, on cherche le hadith. Et la deuxième, wala ahad, et ne me suit pas aussi une personne qui a commencé à construire sa maison et il ne reste que le plafond. Disons, il ne reste que la dalle. Ou bien le contraire, il a fait la dalle. Il ne reste que le plafond. Il a dit, celui-là, c'est pas la peine qu'il me suive au djihad. Et la troisième personne, il a dit, et une personne qui a acheté, par exemple, des moutons et des... Le féminin de moutons, c'est quoi le... Bon, des moutons, femelles et sexe masculin, ou bien des chameaux et des chamelles, et qu'il est en train d'attendre, et yani, qui sont enceintes. Non, qui n'ont pas encore enfanté. Donc, ce Nabi avant de faire le djihad a dit à trois sortes de gens qui ne suivent pas, quiconque a mis sa main sur une femme et n'a pas consommé le mariage, et quiconque a commencé à construire une maison et n'a pas fini les toits, et quiconque a acheté des moutons, etc., et des chameaux et des chamelles, et en est enceinte et qui n'ont pas enfanté. Pourquoi il a dit cela? Quelle est la raison? Pourquoi spécialement cela? Regardez, les trois, tous ces trois ont un point commun. Quel est le point commun? Les trois ont le cœur, disons, distrait. Les trois pensent à leur projet. Naam, celui-là, il n'a pas consommé le mariage, l'autre, il n'a pas terminé la maison, l'autre, il attend la chamelle, etc., qu'elle accouche. Donc ceux-là, les trois, sont occupés, leurs cœurs sont occupés. Donc c'est qu'il va les prendre avec eux au djihad, ils peuvent revenir au milieu de la route. Naam, quelqu'un va se cacher derrière un arbre, il va derrière Khouya, moi je peux pas, il me reste une semaine du mariage, je commence par marier. Alors comment? Déjà on avait commencé à préparer le makarot de l'ose. Ma mère a déjà préparé makarot de l'ose, elle a préparé tcherek. Comment moi je vais aller au djihad? Il va revenir. Et l'autre il va dire, comment, subhanallah, la maison qui est barrassée avec le masque, j'en ai presque terminé, subhanallah, comment ça? Il va revenir. Et le troisième dira, comment, subhanallah, parce qu'autrefois il n'y avait pas de voiture, il y avait des chameaux. Une chamelle qui donnait naissance, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, comment, la chamelle, les chamelles n'ont pas encore accouché, je vais au djihad. Donc ceux-là, même s'ils vont partir au djihad, ils ne vont pas être sincères. C'est pour ça que regardez la hikmah, la sagesse de ce prophète, Moucheh Abdounoun. Regardez la sagesse. On ne prend pas au djihad n'importe qui. N'importe qui. On doit choisir les meilleurs, les plus sincères. Ceux qui, l'au-delà, est dans leur cœur plus ancré que ce bas monde. Je ne prends pas avec moi quelqu'un qui ne pense qu'à sa femme et à ses enfants et à l'argent qu'il a dans la banque. Celui-là, il ne peut pas faire le djihad. Ils ont dit en arabe, il y a même une qaïda qui dit المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. C'est pour ça qu'on dit, on ne doit pas donner une grande responsabilité à quelqu'un qui a le cœur يعني, qui pense à autre chose. Non, on ne doit pas donner une grande responsabilité à quelqu'un qui a le cœur qui est ailleurs, il n'est pas avec nous. Non. Ensuite, ce prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Farada. Il est parti vers le pays où il voulait. Lorsqu'il est arrivé au pays ou à la ville où il voulait, c'était presque Salat al-Asr. Qu'est-ce qu'il a dit? فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا. Il a parlé au soleil, il lui a dit, yani le prophète a parlé au soleil, Yusha a parlé au soleil, il lui a dit, écoute, toi le soleil, tu es ordonné. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait marcher. C'est-à-dire que tu marches par ses ordres. Hein? Tu marches par ses ordres. Et moi je suis ordonné. Toi tu es ordonné d'aller de l'est vers l'ouest. Moi, celui qui t'a ordonné, c'est lui-même qui m'a ordonné, moi aussi, de sortir aujourd'hui et de venir ici pour faire le djihad. Ce qu'il a dit, Allahumma ihbisa alayna. Ya Allah, arrête le soleil. Arrête-le. Yani pour qu'il ne fasse pas nuit. Non. Car il est arrivé l'asr, il ne reste pas beaucoup et ça va faire nuit. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'arrêter le soleil. Il a dit, fahubisat. Allah subhanahu wa ta'ala a fait arrêter le soleil. Jusqu'à ce qu'il ait fait la guerre sainte et il a triomphé. Subhanallah, regardez, il y a ici quoi? Il y a ici une grande. Comment ça s'appelle? Un grand avantage, c'est que le soleil, c'est pas lui qui se commande. Non, le soleil, si Allah Ta'ala veut l'arrêter, il l'arrête. Il lui dit, tu t'arrêtes, là, en plein ciel, tu t'arrêtes. Tu ne te couches pas aujourd'hui. Il n'y a pas de coucher du soleil. C'est pas lui qui se commande. Il doit s'arrêter. Il ne bougera pas jusqu'à ce qu'il ait un autre ordre. Non. C'est pour ça que, avant la fin du monde, Allah Ta'ala lui dira quoi? Il lui dira aujourd'hui tu vas sortir par l'ouest. Non, c'est pas toi qui m'en commande. C'est moi qui te donne l'itinéraire. C'est moi qui te dis comment tu marches et vers quelle direction. Vous savez que le soleil, chaque soir, quand on le voit, nous, on le voit se coucher, ça, le soleil se couche. Ça, il s'est couché. Il s'est couché par rapport à nos yeux, ce qu'on a vu. Mais derrière le voile, qu'est-ce qu'il y a? Que fait le soleil quand il se couche? Il fait une prosternation à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque soir, il lui fait une prosternation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, allez, de nouveau. L'année sort de nouveau. Et comme ça, il va sortir le matin. Chaque soir, il fait la prosternation. Allah ta'ala lui donne l'ordre de sortir de nouveau jusqu'au jour. Il lui dira, aujourd'hui, tu vas sortir de l'ouest. Quand il va sortir de l'ouest, ça sera très grave pour ceux qui n'ont pas cru ou ceux qui ont cru mais n'ont pas fait de bonnes actions. Ce jour-là, tout le monde voudra donner tout l'or qu'il a. Tout le monde voudra faire sortir de la banque tout l'argent pour le donner aux mosquées. Tout le monde voudra faire la prière. Tout le monde voudra faire la zakat et rien ne sera accepté. Tout est accepté tant que le soleil n'est pas encore sorti de l'ouest. Naam. Donc ce prophète, Yusha ibn Nun, a demandé à Allah Ta'ala d'arrêter le soleil. Le soleil s'est arrêté, bidna azza wa jal, il a fait la guerre sainte. Il a battu les autres, il a triomphé, il a pris le butin. Il a mis le butin comme ça, devant yani, les gens, dans un endroit comme ça, en attendant quoi? Que le feu descend du ciel pour le brûler, car c'est interdit pour eux de prendre le butin. Donc le feu est descendu du ciel et il n'a pas mangé, c'est-à-dire il n'a pas brûlé le butin. Subhanallah al-Azim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment ce feu n'a pas brûlé le butin, alors que il est envoyé spécialement pour brûler le butin. Alors qu'a dit ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit yani, à ceux qui étaient avec lui, inna fikum ghululan, il y a parmi vous certains ou il y a quelques-uns qui ont volé du butin. Naam. Le feu n'a pas voulu les brûler ou il n'a pas pu les brûler parce qu'il y a eu du vol. Certains d'entre vous ont volé quelque chose du butin. Comment qu'on va faire? Il a dit فَلْيُبَيِعْنِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. Donc que chaque, de chaque, on va faire, je vais vous montrer la solution. Il leur a dit que de chaque, il y avait beaucoup de tribus avec lui, il a dit de chaque tribu vous allez m'envoyer quelqu'un qui va vous, comment qu'on dit, qui va vous, disons c'est lui le responsable de voix, comment on dit يمثلكم, c'est lui qui va vous présenter, disons c'est lui qui va vous présenter, il sera à votre place. Donc il a dit de chaque tribu viendra quelqu'un de vous, vous enverrez quelqu'un de chaque tribu, il viendra représenter, voilà, de chaque tribu vous m'enverrez un représentant, de chaque tribu vous m'enverrez un représentant. Or, donc chaque tribu a envoyé quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils ont commencé à lui serrer la main. Par exemple, tribu X, il dit moi, viens, prends-moi la main. Ça y est, il lui touche la main. Le deuxième, troisième, quatrième de chaque tribu. Ensuite, une des mains de l'un des représentants s'est collée à sa main. S'est collée à la main du prophète Yusha ibn Nun. La collée, la glue. La glue, avec la glue. Maintenant, personne, comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Maintenant, il a dit à cette personne qui a, qui l'a senti que là, c'est collé entre eux, il a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, il y a le rouleau, donc il y a le vol. C'est chez vous qu'il y a, bi'idna azza wa jal, le rouleau. C'est dans votre tribu qu'il y a le rouleau. Donc maintenant, يُبَيْعْنِي قَبِيلَتُكَ. Donc je demande maintenant à ta tribu, toi, dans ta main c'est collé à moi, va me faire venir ta tribu ici. Ils vont quoi? Ils vont me tendre la main. Et cet homme a fait venir la tribu qu'il représentait. Et ils ont commencé à faire avec lui musafaha. Et deux ou trois hommes. Leurs mains ont collé dans la main de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, fikum l'ghulul. Il a dit, donc c'est vous les trois qui avez volé. Regardez le mu'jizat. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut faire une chose, il l'a fait. Regardez comment des mains se collent. Il se colle, khlas, il ne peut plus l'enlever. Coller. Ensuite, il a dit, vous, les deux ou les trois, vous avez volé du butin. Alors le hadith a dit, en fait, ils sont repartis les trois et sont venus avec une tête. Avec une tête comme la tête d'une vache en or. Masha'Allah, imaginez une tête en or. Une tête de vache en or. C'est ici des kilos et des kilos d'or. La vache, sa tête est vraiment lourde. Peut-être 20 kilos, peut-être plus. En or. Donc ils ont ramené cette chose. Ils ont mis la tête en or dans le milieu du butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de nouveau le feu. Il a mangé tout le butin. Il a brûlé tout le butin. Donc voilà comment ça se passait autrefois le butin. Et voilà que maintenant, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à cette nation, comme a dit le professeur Hassan, il a su que nous sommes faibles. Il a su que nous sommes faibles. Il nous a permis le butin. Naam. Voilà ce que je veux dire pour aujourd'hui. Bi'idna azza wa jal. Fa'in asabtu fa'min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'in akhta'tu fa'min nafsi. Subhanak illahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre inshallah ta'ala dans 5 minutes. Bi'idna Allah azza wa jal. Je vais essayer de mettre le Coran ici. Quelqu'un que j'aime bien, il a une lecture, une récitation très simple mais qui me plaît beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Tayyib. Inch'Allah, ma fi mushkil. Est-ce que Bint Hashim, inshallah ta'ala, est prête pour la première question, inshallah ta'ala. Naam. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم كنزة prépare ta question بارك الله فيك. Après vous ne dites pas je يعني j'ai pas pu la couper la coller etc. Oum Abdullah, comment Inch'Allah si Ibn Hajmi est en train de dormir? Comment Inch'Allah? Pose ta question. Taïb. Elles sont pas en rapport avec le dars. Taïb, Oum Kenza, tafadali. Je voudrais dire si le R qui m'a posé une fois la question sur les abeilles, celui qui tue les mâles, les abeilles, s'il est là, il me fait signe. Et aussi la sœur qui m'a demandé pour le lait, pour prendre des médicaments pour donner le lait dans la poitrine. Si elle est là, Inch'Allah Ta'ala, elle me fait part aussi à travers une sœur. Quelle est la meilleure façon de suivre la voie de notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam tout en sachant qu'il y a plusieurs voies, quelle est la plus sûre? Barakallahu fi. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam, ashrafil mursalin. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il n'y a qu'une seule. Toi tu as dit il y en a plusieurs, hein? Il n'y a qu'une seule qui est la vraie. Il y en a plusieurs certes, mais la vraie il n'y en a qu'une seule. Il y a beaucoup de fausses qui font croire aux gens qu'ils sont sur la sunna, mais ils ne sont pas sur la sunna. Là, beaucoup de gens qui n'ont pas de ilm croient en entendant certains gens qui sont dans la sunna. Là, oui, les salafs, etc. Ça, et les salafs, il y a une seule voix des salafs. Quand il y a une divergence entre, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Ibn Baz, la divergence est quelque chose de normal. Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné du ilm, ce qu'il n'a pas donné à l'autre. Il a donné à la compréhension ce qu'il n'a pas donné à l'autre. Donc ça, ce n'est pas grave. Ils peuvent et ils doivent diverger jusqu'au jour du jugement dernier. Mais ce qui est grave, et ce qui est très important, c'est qu'ils ne divergent pas dans la aqida et dans le minhaj. Naam. Voilà ce qui est plus important. Naam. Ils divergent sur quelque chose de fiqh. Ça, c'est pas grave. Mais ils divergent jamais sur la aqida et sur le minhaj. Que faire quand il y a divergence entre les ulama? Naam. Quand il y a divergence entre les ulama, si les deux ulama ou là les trois entre lesquels il y a la divergence sont tous de self salah, naam, car ils peuvent être tous self salah, ou il peut y avoir divergence entre un alam, un self salah, et un alim, par exemple, des frères musulmans. Là, tu vas directement self salah. Naam, parce que celui-là, il suit directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Il ne suit pas autre chose qu'on appelle bab da'wa, d'autres choses. Chose yani, qui est loin du din. Il va directement, celui-là, à la sunna, un grand alim, il se dit voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur les grands ulamas. Maintenant, si la différence se trouve entre des salafis, des ulama qui sont tous salafis, dans ce cas, tu choisis, si tu n'as pas assez de ilm pour choisir, tu choisis celui qui te paraît le plus alam et le plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on dit les ulama. À condition que ton choix ne soit pas un choix de passion. J'ai pas suivi celui-là parce que il facilite, alhamdoulilah, tout est facile chez lui, tout est halal. J'ai choisi, il y a une différence, maintenant il y a une divergence entre Cheikh Ibn Baz, la yirhmo, et quelqu'un de moins de lui dans le ilm. Et tu ne sais pas toi où est la chose la plus sûre, l'avis le plus sûr. Tu prends de celui de Ibn Baz, la yirhmo, parce que tout le monde lui reconnaît qu'il est plus savant que les autres. C'est un exemple. Maintenant il y a Ibn Uthaymeen, il y a un autre de moins. Tu prends celui de Bouddhotémen, il est plus savant que celui qui est moins de lui. Et comme ça. C'est-à-dire que tu ne suis pas les patients, mais tu suis celui qui te paraît plus savant et qui te paraît, il est plus craintif. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus que les autres. Ça, c'est quand la divergence est entre tous des salafs. Maintenant, quand il y a entre quelqu'un qui est salafi et quelqu'un qui n'est pas salafi, celui qui n'est pas salafi, c'est pas la peine de suivre ce qu'il a dit, Inch'Allah Ta'ala. Et tu auras le ajr bi'idhna azza wa jal pour avoir suivi quelqu'un qui dans ton cœur t'a paru que c'est un grand alam, et c'est un alam dans le minhaj sahih bi'idhnillah azza wa jal. Tayyib. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. طيب بنت هاشمي لا كيسيو الدين الإسلام حضر نفسك إن شاء الله. طيب دين الإسلام تفضل. maintenant hors sujet posez les questions hors sujet posez les questions إن شاء الله تعالى. pour ne pas perdre de temps. وعليكم السلام ورحمة الله. La circoncision féminine est obligatoire, puis quand un frère converti fait la circoncision, doit-on lui donner de l'argent par exemple ou autre? L'Iqama est obligatoire après la dame quand on est seul, barakallahu fik. Pour la circoncision féminine, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah. La vue le plus sûre, c'est que elle n'est pas obligatoire. C'est quelque chose seulement de conseillé. C'est quelque chose qui se fait d'après les pays où elle se fait. Si on est dans un pays où elle se fait pas, on la fait pas. Aïcha radiallahu ta'ala a ordonné à ses nièces de les faire. Naam. Et la femme du prophète Umm Atiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré comment elle devait faire la circoncision aux femmes, c'est-à-dire sans exagérer. Mais le plus sûr, donc, inshallah ta'ala, que c'est yani, comme aussi a dit Ibn Rahim al-Rahmou, que c'est obligatoire pour les hommes. Pour la femme, c'est seulement makrama. Alors que certains ulama ont dit que même pour la femme, c'est obligatoire. Mais, inshallah, le plus juste que, il y a une différence ici, c'est seulement obligé pour l'homme, bi'idhni azza wa jal, sauf pour la femme qui, elle est dans un pays, par exemple, où tout le monde fait cela. Ça va pas vous étonner, je ne sais pas si ça vous étonne. Moi, ça m'a étonné quand j'ai appris qu'en Égypte, elle était obligatoire. Parce que j'ai quelqu'un qui travaille Mu'addan. Travaille Mu'addan avec moi, il est égyptien. Quand on discute comme ça, il me dit chez nous, en Égypte, si une femme, on la circoncit pas, ça veut dire que c'est très grave. Subhanallah, je lui dis, moi en Algérie, si on circoncit une femme, c'est très grave. On a commencé à rire. Les mœurs et les habitudes yani, changent d'un pays à l'autre. En Égypte, si la femme ne se circoncit pas, yani, vous les avez, c'est presque, elle n'est pas dans l'islam, c'est presque. Je lui dis, nous, en Algérie, c'est le contraire. Il n'y a pas de femme qui se circoncit. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Et quand un frère converti fait la circoncision, doit-on lui donner de l'argent? Par exemple, etc. On ne lui donne rien, bi'idhni azza wa jal. Naam. On ne lui donne rien. On ne donne rien à quelqu'un qui fait la circoncision. Quand on est jeune, quand il est jeune, pourquoi on lui donne? C'est juste pour que lui faire oublier. C'est juste pour lui faire oublier le mal qu'il a et pour apaiser sa douleur. Hein, et c'est un petit enfant, on lui achète des choses, lui donne de l'argent. C'est juste pour yani, qu'il se taise, c'est tout. Qu'il oublie sa douleur. Mais quelqu'un qui est âgé, c'est un homme. Pourquoi on va lui donner de l'argent? Non. Si on veut l'aider, les pauvres là, ça c'est autre chose. Et là, l'iqama est obligatoire pour l'adhan, après l'adhan quand on est seul. Non. Quand on est seul, on fait l'adhan et on fait l'iqama. Quand on est seul, on fait l'adhan et on fait l'iqama. Et à la rigueur, si on n'a pas fait l'adhan, l'iqama on ne doit pas la laisser. Non. Si on n'a pas fait l'adhan, on doit faire l'iqama bi'idhni azza wa jal. Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois une salat, il a fait trois. Au lieu de faire quatre, il a fait trois. Ensuite, il est sorti de la mosquée, Ensuite, Talha, radiallahu ta'ala anhu, est parti derrière lui. Il l'a rattrapé dans la rue. Il lui a dit, il manque une raka'a, tu as fait seulement trois. Il est revenu à la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Bilal, akhim salat, la deuxième fois. Il a fait une deuxième iqama, et ils ont fait quoi? Ils ont fait la prière, il a ajouté la raka'a, ensuite il a dit salam alaykoum et il a fait deux prosternations il a redit salam alaykoum. Regardez comment la ikama, yani comment elle a un rôle bi'idhn la azzawajal. Tayyib, c'est à qui le tour, inshallah ta'ala? Abou Ahmed, prépare-toi. Le frère Moulusque était la deuxième de la liste, juste après on connaît. Il a perdu sa place à cause de combien? Je peux donner sa question juste après, inshallah. Naam. Tfadal, wasmak. Faqirillah. Dans la question du frère Moulusque, je voyais son nom, il était même le premier. Quand je suis rentré dans la salle, il était le premier homme. Naam, c'est pour ça qu'il a dit juste après Mkenza, ça. Le premier homme et le deuxième dans la salle. Ça va, j'attends ta question, Fakir. Fakir Allah, écris-moi numéro 1 si tu m'entends, je vais te dire quelque chose. Si tu m'entends, écris-moi numéro 1. Salam alaikum wa rahmatullah. Je veux savoir quel est le meilleur endroit pour l'ilm d'un match ou bien midin. Naam. Fakir, tu m'entends? Tayyib, jazakallahu khairan. N'oublie pas de temps en temps, j'ai pas de temps moi. N'oublie pas de temps en temps de jeter un œil, dans les pseudos. Comme ça, si tu trouves quelque chose qui est aïe ou là, tu me le dis, inshallah ta'ala. Whisper, comment ça s'appelle? Naam. Donc je disais damage ou bien medin. Naam. Moi, je n'ai pas été au Yémen, et je sais qu'au Yémen c'est très difficile. Et je sais que pour moi, bi'idna ta'ala, il n'y a pas comme Médine. Naam. Moi, je vais dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être je vais mourir là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, si quelqu'un peut mourir à Médina, qu'il le fasse. Je lui ferai l'intercession. Je lui ferai la shafa'a demain. Si quelqu'un peut mourir là-bas, qu'il aille. Déjà, moi, je pars avec cette intention. Je vais faire des études à Médina, mashallah. Et si je meurs, alhamdoulilah. Deuxièmement, le Yémen, c'est très difficile et très dangereux. Très difficile et très dangereux. Les gens armés, la pauvreté, ce n'est pas n'importe qui va résister là-bas. Et tu risques de te trouver en prison, tu risques de te trouver parmi ta photo wanted, recherchée, tu trouves ta photo partout, il est recherché aux États-Unis, je ne sais pas où. C'est pas yani sahel avec ce qui se passe là-bas. Moi je conseille mes frères, celui qui peut, mashallah al-Madina, yani mashallah la propreté, la santé, la mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Et Madina, il y a le ilm qu'il y a là-bas. Seulement quand tu t'assois avec Cheikh Mohsen Al-Abbad, hafidahullah, hein, tous les deux jours, il a un dars dans le Masjid Nabawi. Laisse les autres doros, laisse. Masha'Allah. Naam, Masha'Allah. Tayyib, c'est à qui le tour, bi'idhna Azza wa Jal. Maintenant, Abu Mohammed, tafadhal. Une sœur qui souhaite rester anonyme du monde. Quel est le statut, Abou Mohamed, attends une seconde, barakallahu fik. Quel est le statut d'une sœur qui par nécessité se doit d'aller travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, parents âgés, petits frères. Et voici son djilbab, essayant de cacher au maximum, mais les cheveux découverts malgré tout, sans que l'on voit ses formes. Commet-elle un grand péché selon sa situation? Bijazik bikhair. Dans un pays musulman, cette sœur resterait à la maison, et ce sont les musulmans qui doivent lui yani amasser un peu d'argent et lui donner chaque mois afin que elle ne sorte pas dans la rue pour montrer sa aura. Naam, doivent lui donner de l'argent et pour préserver sa aura et la préserver pour qu'elle ne fasse pas le haram bi'idhn Azza wa Jal. Naam. De toute façon, sa question est un peu difficile pour moi. Naam. C'est-à-dire que, comment difficile? C'est-à-dire que je ne peux pas, d'après le petit ilm que j'ai, lui donner la permission qu'elle l'enlève. Naam. Je sais qu'enlever le djilbab, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que je ne peux pas lui donner la permission, lui dire, Inch'Allah ta'ala, tu peux l'enlever. Il n'y a pas de problème. Allah Azza wa Jal. Sah. donner des cas spéciaux quand on est dans la daroura, mais au point de retirer son jilbab, je ne peux pas donner mon avis, et qu'inchallah ta'ala que je demande à ceux qui sont plus ont plus de science que moi. Naam, ont plus de science que moi. C'est pour ça que je préfère l'écrire, moi. Mais c'est difficile. Naam. Tayyib, je vais écrire cette fatwa, inchallah ta'ala, pour demander fatwa, naam, au ulama. Est-ce que celui qui m'a posé la question sur les abeilles, il est là? Est-ce que la sœur qui m'a posé la question sur le lait qu'on fait venir par les médicaments, est-ce qu'elle est là? Et je vais écrire enlever le jilbab. Naam. Pour travailler. Pourquoi aussi je ne peux pas lui donner de la permission? Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui vient se mêler, qui vient entraver. C'est quoi? C'est que le Adam peut lui dire pourquoi tu es resté dans leur pays. Non, le Adam va te dire pourquoi tu n'es pas parti dans un pays musulman où tu peux travailler avec le djibab. Pourquoi tu as voulu seulement rester dans un pays où on t'interdit de le mettre? Naam, donc inshallah ta'ala, laissez-moi inshallah ta'ala poser la question aux hommes de science. Tfadal Abu Ahmed, barakallahu fik, tfadal. Abu Ahmed, alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh, makhiratuh. Je voudrais savoir si je peux me soigner avec du sirop, sachant que la majorité du sirop contient de l'alcool. Deuxième question. Je connais quelqu'un qui est musulman et qui ne prie pas. Puis-je continuer à le fréquenter, lui parler de l'islam? Moi, je ne dois plus fréquenter jusqu'à ce qu'il prie. Jazakallahu khairan. Naam. Abu Ahmed. Pour le sirop, inshallah ta'ala, il n'y a aucun problème. Pour le sirop, il n'y a aucun problème. Car comme a dit Cheikh Ibn Othaymeen, il a dit que quand on. Il a dit dans une chose qui lui ressemble. Il a dit que on fait pas cette chose pour à cause de l'alcool qu'il y a à l'intérieur pour se saouler. Non. Quand on lui a posé la question, on lui a dit comment ça s'appelle il y a une piqûre. Non. Avant de faire une opération, on donne à quelqu'un une piqûre qui enlève la conscience. Ça, si on enlève la conscience, on lui a dit, yani perdre la conscience, c'est haram en islam. Il a dit, mais celui à qui on va donner ça, c'est pas dans l'idée pour perdre la conscience, pour chanter, etc., comme fait l'alcool. L'anesthésie, il m'a dit, c'est on ne prend pas l'anesthésie parce qu'on veut se saouler. Pour l'anesthésie, pour je veux me soigner. Naam. Les ulama ont dit, quand le sirop, il contient de l'alcool, il contient pas, il y a un maximum, c'est pas 80% d'alcool, c'est pas 75%. Ils ont dit, il est permis, bi'idna azzawajal. Naam. Il est permis bi'idnillah azzawajal. Maintenant, si quelqu'un va prendre par exemple l'anesthésie avec l'idée de se saouler, celui-là, c'est comme s'il avait pris de l'alcool, c'est haram. Naam. Quant à la deuxième question, celui qui ne fait pas la prière se divise en deux sortes. Ou bien c'est quelqu'un qui ne la fait pas, mais quand tu lui parles de l'islam, il t'écoute et il t'entend et il aime entendre. Donc c'est quelqu'un envers lequel tu as de l'espoir. Celui-là, tu restes avec lui en train de lui parler. Et tu endures et tu ne désespères pas. Un mois, un an, deux ans, tu parles, jusqu'au jour où il te dit, moi, c'est pas la peine de me parler à partir d'aujourd'hui, ni salat ni rien. J'aime pas entendre ça. Tu lui dis, salam alaykum, la nabtari jahilin. Voilà, c'est terminé entre moi et toi. Salam alaykoum à partir d'aujourd'hui. Naam. Et tant qu'il t'écoute, et tu parles, inshallah, avec hikma, avec douceur, avec sagesse, sans le brusquer, tu lui montres que tu lui veux du bien. Naam, montre-lui que tu lui veux du bien. Moi, quand je te parle de salat, c'est pas parce que je te veux du mal. Moi, je voudrais, inshallah, que demain, tu te trouves dans le paradis. Je voudrais que demain, tu trouves les femmes du paradis. Je voudrais que demain, tu aies tous les délices. Je voudrais que demain, tu vois Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça. C'est pour ça que je te dis moi ces choses. Naam. Moi, sinon, je te pourrais délaisser, je pourrais pas parler, mais c'est parce que je t'aime que je te parle, pour que tu me comprennes. Tu lui dis comme ça, mon frère, il faut que tu me comprennes. Tellement je t'aime que yani, je peux pas te laisser comme ça, il faut que je te parle. Mais avec hikma, inshallah, avec sagesse. Et si inshallah ta'ala, tu es sincère et que la personne à qui tu parles contient un atome, inshallah, de iman dans le cœur et de sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir ses portes et tu seras un temps, tu seras toi le sabab et tu auras indallah de grandes récompenses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si Allah subhanahu wa ta'ala guide quelqu'un à cause, en ta cause, à cause de toi, c'est mieux que yani, humr al-na'am, c'est mieux que les chameaux qui sont rouges. Autrefois le chameau rouge yani, on ne le trouvait pas, il n'y avait que X et Y qui pouvaient l'acheter. Na'am, c'est mieux que maintenant la dernière Mercedes toute option. Na'am. Toi, si Allah subhanahu wa ta'ala va faire de sorte que cette personne commence la prière et que tu sois la cause, Inch'Allah ta'ala, tu as de grandes récompenses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que les frères et les sœurs, c'est en ces choses qu'ils doivent penser. C'est pas en se disputant et en faisant des problèmes entre eux. Que chacun pense comment faire pour attirer quelqu'un, pour attirer un kafir, ou pour attirer un musulman mais qui ne fait pas la prière. Comment je fais pour attirer ma sœur qui n'a pas encore mis le jilbab? Comment faire pour attirer mon frère qui ne fait pas la prière à l'heure? C'est comme ça. Inch'Allah, c'est comme ça que tu vivras pour Allah subhanahu wa ta'ala. طيب أبو عبد الله تفضل لي. الله يجازيك خير يا أبو أحمد. الله يجازيك خير يا أبو أحمد. نعم. طيب. une seconde avant de lire la question. une seconde. je cherche quelque chose dans la liste. je disais une sœur a demandé le divorce avec son mari. ils ont décidé que lorsque la sœur a ses menstrues, le divorce commence. Mais le frère n'a pas prononcé la parole, juste ils ont décidé. Est-ce que le divorce est valable? Et comme c'est la femme qui a demandé, y a-t-il une période d'Ida de 3 mois? Morphine, c'est pour que ce soit un hôpital pour calmer la douleur. C'est seulement précisé par rapport à la question. Naam, ça, j'avais pas compris hein, la morphine, qu'est-ce qu'elle avait relation avec ce que je disais. Naam. Ça y est, une sœur a demandé le divorce avec son mari. Et ils ont décidé que lorsque la sœur a ses menstrues, le divorce commence. Justement, ils ont décidé du contraire. Subhanallah, ils ont décidé du contraire. Normalement, le divorce commence quand quoi? Quand la femme se purifie des menstrues. C'est pas quand les menstrues commencent. Yani, faire de sorte que le divorce commence pendant les menstrues ou la divorcer pendant les menstrues, c'est un péché. Naam, c'est un péché. Mais, s'ils ont décidé comme ça, il est valable. Ça veut dire, il y a le divorce et ils ont le péché. Et les deux, ils ont un péché pour avoir choisi pendant les menstrues. Naam. Et la période de viduité, c'est quoi? C'est 3 menstrues. C'est 3 fois la purification après les menstrues. Ce n'est pas 3 mois. C'est 3 fois, naam, c'est 3 fois quand la femme se purifie après les 3e menstrues. Et s'ils ont décidé, et si l'homme a parlé, il a dit, par exemple, elle lui a dit, par exemple, divorce-moi, il lui a dit, d'accord, à partir de cette chose, à partir de tel jour, commence, tu seras divorcé. Naam, ça veut dire, quand ce jour-là viendra, elle sera divorcée. Non, ça s'appelle divorce mu'allaq. Quand quelqu'un dit à sa femme, quand le soleil se lève, tu es divorcé. Quand le soleil va se lever, elle est divorcée. Quand il lui dit, quand tu vas couper tes cheveux, tu seras divorcé. Quand elle va les couper, elle sera divorcée. Et comme ça. Non, sauf s'il avait une autre intention. Non, mais de toute façon, je voudrais dire que normalement, qui sont de divorce, surtout divorce, normalement, ça ne devait pas se poser comme ça dans une salle. Pourquoi? Parce que pour le divorce, il y a des choses, des fois qu'on ne dit pas, des détails très simples, mais qui changent tout. Maintenant, si la sœur qui avait posé cette question, par exemple, si elle avait parlé ou là on avait parlé au téléphone. J'aurais demandé une seule chose, elle m'aurait dit non, par exemple, c'est pas comme ça. J'aurais dit, classe, il n'y a pas de divorce. Ou le contraire. Ou le contraire. Ou j'aurais dit, classe, il y a de divorce. C'est pour ça que le divorce, normalement, les gens vont chez la personne. Non, vont les... Et lui parlent. Non. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent certains détails. Donc moi, quand je réponds d'après ce qu'on m'a dit. Non. Et peut-être qu'on m'a caché des choses, peut-être qu'il y a des choses qu'on a oublié de me dire, peut-être qu'il y a des choses qu'on devait expliquer, qu'on ne m'a pas expliqué. Tout ça, ça change tout. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Makram 30, tafadhal. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ya Sheikh, ma question concerne Salat al-Witr. En fait, on a l'habitude de le faire avec une seule rak'at. Alors, est-il possible de prier l'huître avec 3 ou 7 rak'at? Et combien on fait tashahhud dans chaque cas? Qu'est-ce qu'on dit toujours Fatiha avec une surah barakallahu fik? Wa fik. Naam. Salat al-Witr, inshallah ta'ala. Elle va venir très bientôt dans notre dars de fiqh, parce qu'on a déjà commencé la salat. Et salat al-witr, on peut faire une raka, 3, 5, 7, 9 et comme ça. Non. On ne doit pas dépasser combien? 11 ou alors 13. Car en fait, beaucoup de gens ne savent pas que quand on termine salat al-isha, on fait deux raka'at que tout le monde connaît, que tout le monde appelle salat shafa. Mais en vérité, il n'y a pas une salat en islam qui s'appelle salat shafa. Vous allez lire tous les livres, vous n'allez pas trouver. Vous allez trouver salat doha, salat sobh, as, maghrib, isha, mais vous n'allez salat istikhara, mais vous n'allez pas trouver shafa. Shafa, ça veut dire terre. Pourquoi? Parce que après l'isha, on doit faire deux raka'at. On doit, mais c'est conseillé. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les rawatib, les 12 rawatib. 2 avant le sobh, 4 avant le dhor, 2 après le dhor, 2 après le maghrib et 2 après isha. 2 après isha, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle chef. Les gens les ont appelés chef. Pourquoi? Parce que c'est terre. Maintenant, toute la salat qui va venir après les 2 rak'at, ça s'appelle witr. Ça veut dire on va la faire impaire. Et on est libre de choisir. Ou bien une raka, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 7, ou bien 9, ou bien 11. Et Albani a dit, c'est possible même jusqu'à 13. Maintenant, si tu veux, tu peux faire toutes les raka. Par exemple, tu dis aujourd'hui, je vais faire le 8 avec 9. Naam. Tu peux faire les 9 d'entrée. Tu dis Allahu Akbar, et ensuite, à chaque fois tu lis, Sora et Fatiha et Sora, Fatiha et Sora. Et tu t'assois par exemple à la dernière, tu dis salam alaikum. Ou bien tu peux, si tu fais 9, tu t'assois à la 8e, tu fais le tashahhud et tu te lèves. Et tu fais la 9e, tashahhud et salam alaikum. Ou bien tu peux, chaque 2, tu fais tashahhud. Et comme ça. Yani, c'est, inshallah ta'ala, il y a beaucoup de façons de faire le 8. L'essentiel c'est quoi? C'est de faire impair. Que ce soit 1, 3, 5, 7, 9. Et les ulama ont dit, mais si tu fais 3, si tu dis aujourd'hui, je fais 3, 8, naam, tu peux faire avec une seule tekbir ahram, une seule. Maintenant, si par exemple tu fais 3, je veux dire, je vais faire 8 aujourd'hui, 3. Parce qu'en fin de compte, il faut apprendre à casser les habitudes. Les gens ont pris l'habitude de, 8 c'est seulement une raka. Pourquoi seulement une raka? Pourquoi tu ne casses pas l'habitude? Pourquoi tu ne fais pas demain 8 avec 5? Pourquoi tu fais seulement une raka? Pourquoi tu ne fais pas 3? Pourquoi tu ne fais pas 7? Quand on fait toujours une raka, ça devient une habitude. On l'a fait sans qu'on sait ce qu'on est en train de dire. Et comme ça, on termine. Et quand tu fais 3, tu fais 5, subhanallah, tu as avec toi la conscience. Tu dis aujourd'hui, vers toi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Maintenant, akhi makram ou la ukhti, si tu fais 3, il y a un hadith qui dit il ne faut pas que les 3 ressemblent au maghreb. Si tu fais 3, ne t'assois pas au milieu. Non, si tu fais 3, ne t'assois pas au milieu. Tu t'assois à la dernière, à la troisième, tu t'assois et tu fais le tashahhud et tu dis salam alaikum wa rahmatullah. Et moi je te dis salam alaikum wa rahmatullah. Tayyib, c'est à qui inshallah le tour. Akhouk inshallah, jazakallahu khair. Akhi makram natsharfin inshallah. Jazakallahu khair. معرفة خير إن شاء الله. نعم. طيب اتفقي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Est-ce que les gens chrétiens et juifs qui vivent de nos jours, on peut les considérer comme les gens du livre malgré qu'ils ne pratiquent pas? Il y a des tibliers qui commencent à venir tous les samedis dans notre mosquée et les frères de la mosquée me reprochent d'être dur avec eux parce que je ne veux pas mélanger avec eux. Je ne réponds pas à leur invitation. Pouvez-vous me conseiller? Je vais te l'offrir. Shams, prépare ta question. Hein. Shams, Inch'Allah ta'ala, prépare ta question. Il y a des tibliers qui commencent à venir tous les samedis dans notre mosquée. Et les frères de la mosquée me reprochent d'être dur avec eux parce que je ne veux pas mélanger avec eux. Je ne réponds pas à leur invitation. Pouvez-vous me conseiller? Faqirallah, j'ai pas compris. Je ne réponds pas à leur invitation. Quelle invitation? L'invitation des frères qui te reprochent ou l'invitation des tiblir? J'ai pas compris. Je ne veux pas mélanger avec eux. Je ne veux pas mélanger avec les tiblir. Je ne réponds pas à leur invitation. Quelle invitation? C'est-à-dire les tiblir, ils te disent de sortir avec eux. Est-ce que c'est comme ça? Si c'est oui, écris mon numéro 1 pour que tu n'écrives pas beaucoup. Est-ce que ce sont les tiblir qui te disent de sortir avec eux et que tu ne veux pas répondre à leur invitation? Si c'est ça, tu m'écris 1. J'attends Inch'Allah Ta'ala la réponse. J'attends le frère, d'accord. On attend un peu, Inch'Allah Ta'ala. Al-Faqirillah, est-ce que le son est clair? Ah, l'invitation d'établir. Est-ce que le son est clair? Le son est adé. Dis-moi, est-ce que le son est adé? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Naam, chauffe, chers frères. En ce qui concerne le tablir, les tablir, c'est une secte égarée. Comme on dit les grands ulama, et leur livre Nisab et Tablir, ils ont un livre qui s'appelle Nisab et Tablir, contient du shirk. Et c'est une secte qui n'est pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve? La grande preuve, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à la aqida. Ils n'aiment pas la aqida, ils n'aiment pas les gens qui parlent la aqida. Et la deuxième preuve qu'ils sont égarés, ils ne suivent pas les grands ulamas. Ils n'aiment pas Cheikh Ben Baz, ils n'aiment pas Cheikh Ben Uthaymin, ils n'aiment pas Salah Fouzan, ils n'aiment pas Salah El Cheikh, ils n'aiment personne de ceux-là. Ce sont des gens qui suivent leur grand chef, Ken Dehlawi, qui est mort, le Pakistanais Adawla, qui est mort, ça fait des années, il a laissé un autre et l'autre laisse l'autre, et comme ça, ils le suivent, ils font plein de bidats, ils sortent dans la rue, ils appellent des gens, alors qu'ils n'ont pas d'ilm. Hein, ils n'ont pas d'ilm, tout ce qu'ils disent, la plupart est faux, ils n'ont que Riyad Salihin, ils lisent un peu de Riyad Salihin, tu lui demandes une petite chose sur la aqida, il ne peut pas te répondre. Les hadiths qu'ils disent, yani, c'est seulement Riyad Salihin, s'ils sortent à droite à gauche, ils ne peuvent pas dire un hadith, ils vont le dire faux. Je sais que ils ont la sincérité, ils sont sincères lorsqu'ils cherchent à faire rentrer les gens dans le din. Mais la sincérité ne suffit pas. Il faut la sincérité plus la sunna. Il faut deux choses. La sincérité plus la sunna. Les kharijites, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, il n'y a pas une secte plus sincère que les khawarij, les kharijites, qui ont dit les sahaba c'est des kuffars, qui ont tué les sahaba. Les kharijites, dans lesquels le prophète a dit ce sont les chiens de l'enfer, dans lesquels il a dit si je les trouve, je les tuerai. Tout cela, Ibn Taymiyyah a dit, ce sont les plus sincères des sectes égarées. Mais ça ne les empêche pas qu'ils vont aller en enfer. Donc Tablir, il est sincère, masha'Allah alayh, mais il n'est pas dans la vraie voie. Il ne faut pas te mélanger avec lui, sauf si tu sais que tu peux l'attirer vers toi. Car en général, il est très difficile de l'attirer. Naam. Je ne veux pas dire qu'il est impossible, mais il est difficile. Parce qu'on l'a vacciné et on lui a appris qu'il ne faut pas t'écouter. On lui dit attention, celui-là, wahhabi. Celui-là, salafi, wahhabi. Celui-là, il ne faut pas écouter. Naam. Celui-là, wahhabi, salafi, il ne faut pas l'écouter. Alors, c'est très difficile que tu l'attires. Pour attirer quelqu'un, tablir, il faut qu'il soit par exemple un voisin à toi et tu restes des années à l'attirer jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre son cœur. Non. Donc toi, tu ne te mélanges pas à eux, non, tu ne te mélanges pas à eux et non, tu essayes de les éloigner de toi au maximum. Non. Même moi ici dans ma mosquée, ils viennent, ils veulent passer les nuits, etc. Non. Moi, si je peux, et je peux, alhamdoulilah, plusieurs fois, je dis non. Aller dans une autre mosquée, passer la nuit, je sais pas, c'est moi ici. Non. Lakin essaye de ne pas faire de problème avec eux. Essaye d'avoir de la sagesse et de la douceur. Parce que ce sont des gens, on m'a dit, qu'en France, ils sont un peu dangereux. Ils ont des chefs, ils connaissent des gens bien placés, etc. Alors, essaye, inshallah ta'ala, d'aller avec hikma. Regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu frapper à sa porte. Quand il a su que c'était lui, il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bi'sa, akhul ashira. Yani, en ce sens, je vais vous dire en ce sens, yani, comment dirais-je, yani, je m'attendais à tout sauf à cette personne. Yani, cette personne, yani, ne vaut rien. Bi'sa, akhul ashira. Et quand il est rentré chez lui, il lui a ouvert la porte, il est rentré, il a commencé à lui sourire. Il a sourire, fadlallah, c'est toi, etc. Quand il est sorti, Aïcha radiallahu ta'ala anha lui a dit, et le hadith il est dans le Bukhari, lui a dit à Rasulullah, c'est étonnant, tu as dit à quelqu'un, quelque chose de, tu m'as dit à moi, quelque chose de pas bien sur cet homme, quand tu lui as ouvert la porte, tu as, masha'Allah, etc. Il a dit, na'am, il a dit, shidd al-nas yawm al-qiyama adaban, man, yani yuttaqa sharruh. Il a dit, na'am, il y a des gens auxquels on fait comme ça pour éloigner leur mal. Imagine celui-là, tu ne le fais pas rentrer. Il va faire des problèmes avec les musulmans, il va, je ne sais pas quoi, dire que ce prophète a un cœur dur, ce prophète il ne m'a pas voulu recevoir, ce prophète il est ceci, cela, il va faire une grande fitna. Alors fais-le rentrer, fais-le asseoir et parle-lui calmement. Regarde le prophète Salman comment il a fait. La même chose tu peux faire avec celui-là. Doucement, doucement, doucement, inshallah ta'ala. Et en faisant garde, en mettant en garde les frères. Tu dis attention, ceux-là, ils sont tablir, surtout les nouveaux pour qu'ils ne rentrent pas dans leur siècle. Dès qu'il y a un nouveau qui rentre dans la mosquée, tu lui dis, tu lui apprends, tu lui dis attention, tablir, ceux-là, tablir, la meilleure des choses que je peux te donner, tiens, lis ce livre de ce qu'a dit Cheikh Ben Othaymin sur les tablir. Lis ce qu'a dit Cheikh Fawzan, hafidallah, sur les tablir. Et tu vas voir ce qu'ils ont dit sur les tablir. Taïb, c'était à qui le tour? Laissez-moi monter en haut. Une soeur, rajoute pas pour la question. N'oubliez pas sa première question par rapport aux gens du livre. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par la deuxième question. Jazakallahu khayran, na'am. Par rapport aux gens du livre. Taïb, c'était quoi la question par rapport aux gens du livre? Je la cherche. Na'am. Maintenant, toute personne qui se dit chrétienne et qui se dit juive, même si elle n'applique pas, elle est considérée comme les gens du livre. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens du livre, il les appelait gens du livre, alors que ils ne pratiquaient pas. Et il disait, inna Allah thalith thalatha. Il disait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est trois. C'est le Saint-Esprit, et c'est lui et c'est son fils. Allah Ta'ala dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Dit, ô vous, gens du livre, venez pour qu'on concorde sur un seul mot qu'il n'y a que Allah Subhanahu wa Ta'ala qui doit être adoré. Naam. Donc, ceux-là qui vont à l'église, etc., ou là qui ne pratiquent pas, qui sont faux, ils sont les gens du livre. Sauf si, bien sûr, maintenant, s'ils ne croient plus. Si c'est un athée, il ne croit en aucune religion, c'est un athée. Mais s'il croit en Jésus et l'Église, etc., celui-là, c'est un gens du livre, et le juif, ce sont des gens du livre. Et il faut faire la différence dans le Coran, quand Allah Ta'ala parle des gens du livre, et quand il parle des mouchriquins. Quand il parle des mouchriquins, il parle des associateurs. Et quand il parle des gens du livre, il parle des juifs et des nasara, non, des juifs et des chrétiens. Allah Ta'ala fait la différence dans plusieurs versets dans le Coran. il a dit ma yawdul ladhina kafaru min ahli kitab wala al-mushrikin an yunzala alaykum min khayrin min rabbikum. Ma yawdul ladhina kafaru, les kuffar ne veulent pas, min ahli kitab, les gens du livre, wala al-mushrikin, ni les associateurs. Donc Allah Ta'ala fait la différence entre les gens du livre et les associateurs. Les associateurs dans le Coran et ceux qui associent à Allah des statues, etc. Et Allah Ta'ala, quand il dit les gens du livre, ça veut dire les chrétiens et les juifs. Et certains ont ajouté les Majus. Mais les Majus, le vrai que ils avaient un livre, ils l'ont perdu. C'est pour ça que on peut prendre deux la jizya, on peut prendre deux l'argent, qu'on prend des juifs et des chrétiens, mais ils ne sont pas considérés comme les gens du livre. Ils avaient un livre, ils l'ont perdu. Et maintenant, c'est à qui le tour? Les gens du livre, j'ai répondu, Inch'Allah. Une sœur rajoute par rapport à la question, est-ce bien d'apprendre l'arabe chez quelqu'un qui fait le khourouj, mais qui suit le savant? Je n'ai pas compris quel savant il suit. Non, est-ce qu'il suit les grands savants, là, qui il suit? Non. De toute façon, une règle générale, quand il y a quelqu'un chez lequel on va apprendre le din, de préférence, il ne faut pas qu'il soit d'une secte égarée. Car comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, quand tu vas demander le ilm chez quelqu'un du tablir ou d'une autre secte égarée, tu vas demander le ilm chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais deux fautes. La première faute, tu fais croire à cette personne que c'est quelqu'un, masha'Allah. Oh, il dit, masha'Allah, maintenant, même les salafs, ils viennent chez moi apprendre. Masha'Allah, je suis quelqu'un, moi. Masha'Allah, je suis dans le ilm, au point où c'est les salafs qui viennent apprendre chez moi. Les gens de Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, ils viennent m'apprendre chez moi. Et la deuxième faute que tu fais, c'est que tu trompes les autres. Les gens, quand ils vont te voir, ils disent, masha'Allah, celui-là, c'est un salaf et je le connais, et ils demandent le ilm chez cette personne. Donc cette personne est bien, sinon ce salaf, il n'est pas fou, il va demander le ilm chez celui-là. Donc cette personne de laquelle il demande le ilm est masha'Allah. Sauf que tu as fait deux fautes. C'est pour ça que, en principe, on ne demande le ilm que chez les gens qui ne sont pas des sectes égarés. Non, c'est ça la règle. Maintenant, si on est dans la darura, et on est vraiment sûr de soi, qu'on ne va pas nous tromper, etc., et on est dans la darura, quand il n'y a personne qui peut nous apprendre l'arabe, sauf celui-là, et je suis vacciné, car il peut m'apprendre l'arabe, mais dans le miel, il va me mettre du poison. À l'intérieur du miel, il y a du poison. Il va m'apprendre l'arabe, et en même temps, il me parle de la aqida, il me parle comme beaucoup de sœurs, qui appartiennent aux frères musulmans, elles font cela. Elle te dit, je t'apprends, ma soeur, je t'apprends seulement le tajwid. D'accord, tu m'apprends le tajwid. Seulement le tajwid. Bon, idram, ronna, maronna. Ensuite, Allah Ta'ala dit ceci, Allah Ta'ala dit ceci. Elle commence à expliquer le Coran, elle commence à te dire, il faut rentrer dans les frères, il faut être une soeur musulmane, il faut ceci, il faut cela. Non. Ça y est. Shams, tafaddal. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Shams. Tu es vraiment comme le soleil. Tu as même choisi la couleur du soleil. Le soleil, quand il va se coucher, avant de faire la prosternation à Allah subhanahu wa ta'ala, il devient de la même couleur que son écriture. Là, c'est le Maghreb. Tu comprends? C'est le Maghreb, na'am. Ça veut dire que, maintenant, pour que je lise, il faut un peu des efforts. Attends. Donc, si je me trompe, je vais te dire le contraire. C'est à cause de la couleur. Hein. Salam alaikum. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Le prophète a.s.w. a dit dans un hadith, je me désavoue toute personne mourant dans un pays non musulman, est-ce que le hadith est vrai? Allahu a'lam. Peut-on faire la salat consécration pour une personne? Naam. Saint Hashmi, tu as écrit avec la même couleur. Saint. Y a pas de problème, Inch'Allah. Je plaisantais, hein. C'est tout, je plaisantais. Naam. Le hadith est vrai, Shams, le hadith est vrai. C'est un hadith authentique. Justement, c'est ce hadith qui fait peur que quelqu'un meure dans un pays non musulman, sans avoir d'excuses. il ne voulait pas envoyer ce mot. Non, c'est yani, ce hadith qui fait peur, je disais. C'est ce hadith qui fait peur que quelqu'un meure dans un pays de mécréants alors qu'il n'a pas d'excuse. Si maintenant quelqu'un était dans un pays mécréant, il est allé demander la science, il est allé se soigner, il est allé faire la tijara, le commerce. Il est mort, qaddarallahumma shafa'an. Mais quelqu'un qui habite là-bas, qui veut rester entre eux, vivant avec eux, prenant de leurs habitudes, etc., celui-là, s'il meurt, c'est difficile pour lui. Non, c'est pour ça que j'avais dit que chacun devait quoi ? Devait y aller, essayer de trouver une solution, comme ont fait les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, qui ont tout quitté et ils sont partis vers la Médine. Ils ont tout quitté. Ils ont laissé leurs biens et leurs argent et leurs banques. Ils ont tout laissé et ils sont partis. Non. C'est pour ça que, surtout pour les sœurs, normalement, quand elle veut se marier, elle fait comme pacte. Elle lui dit, moi, yani, si je pouvais, ma dot, c'est la hijra. Naam, moi je veux la hijra avant tout. Est-ce que tu fais la hijra, ou là tu vas me faire vivre ici 40 ans. Je vais rester 40 ans dans ce pays. Là tu fais la hijra. Surtout les frères. Les frères ont moins d'excuses que les sœurs. Parce que le frère, il peut prendre sa veste sur son dos et partir. Naam, c'est pas comme la sœur. Où est-ce qu'elle va aller là-bas? Il faut d'abord qu'elle se marie. Elle peut pas aller toute seule. Elle va pas passer la nuit sous un pont. Elle va pas passer la nuit dans un jardin. Mais le frère, il peut passer la nuit dans un jardin. Naam. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une porte. Et quiconque fait la hijra sincère, Allah lui ouvre une porte. C'est lui qui a dit dans le Coran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا Naam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ça dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ah, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit une chose, c'est toujours vrai. Naam, c'est toujours vrai. C'est pour ça que il faut avoir dans le cœur la sincérité et dire que moi, inshallah ta'ala, je vais quoi, je vais inshallah ta'ala appliquer pour que yani, je ne sois pas dans le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je viens de sortir l'aïa, wa man yuhajir fi sabillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a. Allah ta'ala a dit, quiconque fait hijra fi sabillah, il va trouver dans la terre, premièrement dans son voyage, il va trouver de quoi yani énerver les kuffars, etc. Car on les énerve, on dit alhamdoulilah, moi je suis sorti de votre pays, je ne veux pas tomber. Deuxièmement, wa sa'atan, sa'a, c'est Allah ta'ala va t'ouvrir les portes. Non, Allah Ta'ala va t'ouvrir les portes. وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque sort de sa maison pour faire la hijra, s'il meurt, ou là il fait un accident, ou là n'importe quoi, ou là il tombe malade, et il meurt dans le voyage, خلاص, c'est le paradis بِاللَّهِ تَعَالَى qui l'attend. Non. Donc, là, c'est pour la première, je crois, question. On ne peut pas faire la prière de consultation pour une autre personne. Chaque personne fait la prière de consultation pour elle-même. Naam. Car Allah Ta'ala va lui répondre d'après sa sincérité dans la salat, d'après yani, son cœur, d'après de... comme ça. Naam. Chaque personne fait la salat istikhara pour elle-même. Bi-idhnillahi Ta'ala. Fadal, c'est à qui le tour, inshallah Ta'ala? بنت هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب lorsqu'on effectue la prière de la distraction avant la salutation finale, doit-on dire les trois formules, le tashahhud, la prière sur le prophète, la prière de protection, avant de faire les deux sujouds de la prière de la distraction, puis redire les trois formules avant la salutation? Barakallahu fik cheikhana. Naam. طيب une seconde, je suis en train de boire quelque chose, bismillah, une seconde. Plutôt, je suis en train de préparer quelque chose à boire. Ah. Pardon. Sinon, je vais dormir. Je suis en train de boire quoi? Je suis en train de boire, inshallah ta'ala, Nescafé. Une fois, il y avait quelqu'un qui a étudié au Yémen. Il m'a dit, j'ai étudié chez Cheikh Mokbil, rahimahullahu, rahmatin wasi'a. Il a dit, on a dit à Cheikh Mokbil que certains élèves ici boivent le Nescafé. Il a dit, Cheikh Mokbil a dit, ce Nescafé n'est pas permis d'être bu. Il contient de la caféine ou je ne sais pas quoi. Cette personne m'a dit, on a téléphoné à Cheikh Al-Albani, Allah yirhamo. On lui a dit que certains ici boivent du Nescafé la nuit, etc. Il m'a dit, Cheikh Al-Albani a posé cette question. Il a dit, c'est quoi cette chose que vous buvez? L'autre lui a répondu, c'est quelque chose, il n'y a pas de Nescafé. Il lui a dit, c'est quelque chose de noir comme ça, qui ressemble au café, etc. Cheikh Al-Albani lui a dit, Nescafé? L'autre a dit, naam, Nescafé. Cheikh Al-Albani a dit, khalas. Bois-en. Il lui a dit, moi je bois pour m'aider dans les livres. Moi pour ouvrir mes livres, etc., j'en bois. Il lui a dit, bois Nescafé. Moi j'en bois, bi'idhni ta'ala, pour m'aider à ne pas dormir, etc. Naam. Tabsahtika. Jazakallah. Non, on dit à quelqu'un de sortir pour Nescafé. Nescafé, c'est du poison. On était au Bi'idhni Azzawajal. Une seconde. Je crois qu'il y avait une question ici. Non. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Lorsqu'on effectue la prière de la distraction, avant la salutation minal, doit-on faire les trois formules? C'est-à-dire le Tashahhud, la prière sur le prophète et la formule. Non. Quand on fait la prière, quand on fait la, c'est pas la prière, la prosternation de distraction, quand on fait à l'intérieur de la salat, je donne un exemple. Par exemple, j'ai oublié par exemple quelque chose et je vais faire le tashahhud à l'intérieur. Je fais quoi? Je commence par le tashahhud, ensuite je termine, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ensuite, je fais le dua, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر في فتنة محو الممات وفي فتنة المسيح الدجال. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je fais la prosternation première, et je m'assois, ensuite deuxième, et je m'assois, et je dis salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum wa rahmatullah. Naam. Et comme ça que je fais. Elle dit, c'est pour conseil avant. Maintenant, avant de faire les deux soujous de la prière, la distraction, puis redire les trois formules avant la salutation. Ah, c'est la même chose. Mais c'est la même question. Non. Ça y est. Le frère n'est plus là. Ça y est. Abou. Tamim, ça s'appelle. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Quand je dois faire la prosternation à l'intérieur de la salat, je commence par le tashahhud. Ensuite, je fais le A'udhu billahi min adab jahannam min adab al-qabr, fitat mahyul mamat wal masih ad-dajjal. Et je fais les deux prosternations et je m'assois et je dis salamu alaykoum. Je dis salamu alaykoum sans refaire les choses. Naam. Je voudrais savoir si une femme prend l'avis de certains savants pour le port du sitar, mais que son mari n'est pas favorable. Non. Parce qu'elle le porte car ils vivent en France et il a peur pour elle de choquer ou d'être de trop. Que conseillez-vous à cette sœur? Je vais répondre à quelqu'un qui nous dit Allah yakbal, il va prier ou faire une bonne action. Non. En ce qui concerne si elle prend de l'avis que c'est obligatoire, là il faut que elle essaye d'insister auprès de son mari pour qu'il la laisse. Pourquoi? Parce que maintenant, puisque c'est obligatoire, ça veut dire que si elle sort en montrant ce visage, elle a des péchés. Dans ce cas, elle ne doit même pas obéir à son mari. Non, pourquoi? Parce que la ta'ata dit le makhlouk Masiyat al-Khalaq. On ne peut pas désobéir à Allah pour obéir à sa créature. C'est pour ça que si elle a pris cet avis, il faudrait qu'elle insiste avec son mari pour que, yani, elle le mette. Même quitte à, elle lui dit, même quand on sort, on ne marche pas ensemble, si tu veux. Tu marches toi devant, moi je marche deux mètres derrière toi. Non, quitte à ce qu'on fasse ainsi. Non, ou bien à limiter les sorties, nous sortir alors en voiture, etc. Non, parce que quand elle a dit dans son cœur que c'est obligé, maintenant c'est haram si elle montre son visage. Quand quelqu'un nous dit Allah yqbal, après avoir prié ou fait une bonne action, non, on voit comment on peut lui répondre avec hikma. Naam. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, innama yataqabbalu Allahu min muttaqin. Allah Ta'ala a dit, j'accepte de ceux qui sont des pieux. C'est-à-dire que c'est pas la peine que quelqu'un nous dise Allah yaqbal, parce que Allah Ta'ala a déjà dit dans le Coran qu'il acceptait de ceux qui étaient pieux. Si je suis un pieux, Allah Ta'ala a accepté, parce que j'ai pas besoin de ce doigt. Mais on ne dit pas ce genre de choses aux gens, on leur apprend avec hikma. Naam. Si c'est quelqu'un, je le connais bien par exemple, ou de la famille ou là, j'attends. Regardez, dans la da'wah, ce n'est pas tout ce qu'on sait, on le dit quand on veut. Il faut choisir les moments où, quand on parle, notre message va passer. Des fois, tu parles avec quelqu'un, tu choisis pas le bon moment, le message ne va pas passer. Non. Et il y a des façons, comment choisir le moment, choisir les mots aussi, les mots. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith du Bukhari, a dit, j'ai voulu poser une question à Omar Bukhattab, j'ai attendu une année pour la lui poser. Une année, vous savez ce que c'est une année? Pourquoi? Omar Bukhattab, tout le monde sait que c'est quelqu'un, yani, masha'Allah, yani, qui peut, yani, très vite, yani, comment dire, il aimait beaucoup le haqq, il aimait beaucoup la sharia, il aimait, et pouvait s'énerver vite. Ça, Abdullah ibn Abbas a dit, j'ai attendu une année pour choisir le vrai moment pour qu'il me parle. Déjà, il allait lui parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait divorcé ses femmes. Et l'une des femmes du prophète, c'est la fille de Omar ibn Khattab. Donc, c'est pas difficile de lui poser une question. Il a dit, j'ai attendu une année. Naam. Et Abdurrahman ibn Auf a dit à Omar ibn Khattab, quand il a entendu que Omar ibn Khattab a dit, je vais joindre les groupes et les gens et leur dire telle et telle chose, Abdurrahman ibn Auf lui a dit, je te donne un conseil, maintenant si tu vas dire cette chose, tu vas faire, yani, une grande fitna. Attends, quand on rentre inshallah à la Medina, tu montes sur le minbar et tu dis à tout le monde là-bas, yani, te suit, etc. Et il a pris sa nasiha. Naam. Quand quelqu'un nous dit Allah yaqbalu laïfi une fois tout là, on regarde, est-ce qu'il est le moment opportun, est-ce que cette personne c'est du genre qui est intelligente, qui accepte, etc. Et je lui passe le message avec douceur. Je lui dis, oh Allah, jazakallahu khairan, yani, de m'avoir dit cela, mais yani, en fin de compte, yani, le professeur ne faisait pas cela, je sais que toi tu le dis avec sincérité, avec ceci, mais yani, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que si ça se disait, allez, le prophète l'avait dit, les sahaba, et comme ça doucement, avec douceur, etc., en lui montrant qu'on lui veut du bien. Mais c'est quand on lui dit, par exemple, Mubtadi', innovateur, pourquoi tu m'as dit ça, innovateur, et tu vas aller en enfer, celui-là il ne va pas accepter. Il faut lui montrer avec sagesse, hein, avec hikma, lui apprendre, yani, comment qu'il accepte de toi, d'après ta sincérité, toi aussi, et d'après, yani, ton ilm et d'après ta sagesse, bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Tafaddal, c'est qui le tour, inshallah ta'ala. Oum Abdallah, tafaddal, c'est à toi le tour. Naam. Vous avez parlé du prophète Chouya, qui a vécu au temps de Moussa et aussi de l'Khadr. Donc il y a trois prophètes qui ont vécu à la même époque. Est-ce que chacun était envoyé à une communauté différente? Barakallahu fik. Naam. Il faut que tu saches que il y a une différence entre un prophète et quoi? Et un messager. Quand il y a un messager, le prophète qui est avec lui, il suit le messager. Naam, il suit le messager. Quand il y a un messager, c'est lui qui a le message. Les autres, ils le suivent, car le messager est plus élevé, son rang est plus élevé qu'un prophète. Un rasoul, celui qui a la risala, c'est plus que le nabi. Donc il y a eu trois prophètes. Naam, il y a eu trois prophètes qui ont vécu à la même époque. Est-ce que chacun d'eux a été envoyé à une communauté différente? Naam. Je ne sais pas exactement, mais je sais que Moussa alayhi salam, c'était lui, yani qui. Et pourquoi tu dis trois prophètes? Pourquoi pas quatre? Et Haroun, n'était-il pas un prophète aussi? Haroun, naam. Je ne sais pas exactement comment ils étaient envoyés, mais c'est l'avis le plus sûr que Yusha, c'était un prophète. Et que Khader était un prophète, et que Moussa alayhi salam c'était un prophète, et qu'il y avait aussi Haroun, c'était un prophète, et pourquoi pas Youssef alayhi salam. Naam. Le faqir, suivant. Tayyib. Le faqir, tafadhal. Donc je n'ai pas une réponse très claire comment ils ont été envoyés. Mais je sais que Moussa alayhi salam est l'un des meilleurs prophètes parce qu'il appartient à Ulul Azm. Ulul Azm, il appartient aux cinq qui sont Ulul Azm. Ça y est, Faqir Allah, tfaddal, ensuite Umm Nawfal, prépare-toi. Subhanallah, déjà 2h20. Salam alaikum, est-ce qu'une femme peut donner un zakat à sa mère nécessiteuse? Est-ce que le fait de mettre de la crème pour le corps nourrissant casse le jeûne? Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire crème nourrissante? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que ça veut dire crème pour le corps nourrissante. Je n'ai pas compris. Non. Une femme peut donner la zakat à sa mère qui est nécessiteuse. Une femme, si elle a une mère nécessiteuse, elle peut lui donner sa zakat bi'idhnillah azza wa jal. Et quand elle la donne à sa mère, elle a deux ajr. D'avoir sorti la zakat et de l'avoir donné à une femme de la famille. Et je dis bien, elle a bien dit la horte. Quoi? Elle a dit à sa mère nécessiteuse. C'est pas on donne la zakat, je la donne à ma mère parce que c'est ma mère. Je fais du piston. Au lieu de la donner à mon voisin qui est nécessiteux, je la donne à ma mère parce que c'est ma mère. Ça c'est haram. Mais si ma mère est nécessiteuse, je suis une femme, et que ma voisine est nécessiteuse, je commence par ma mère. Naam. Si la crème contient des vitamines, ça n'a rien à voir avec le ramadan. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'habitude, quand ils ont faim, qu'ils vont mettre de la crème sur leur corps. Naam. Quand quelqu'un a faim, il ne dit pas, je vais acheter une crème, une pommade, je vais acheter la crème Nivea et je vais la mettre sur mon corps parce que j'ai faim. Donc ça se voit que quand on la met, c'est pourquoi? C'est pour la peau, et ça n'a rien à voir avec manger et avec casser le ramadan. Naam. C'est quelque chose qui se fait, quelque chose qui a rapport avec la peau, c'est tout. Naam. Même si elle contient des vitamines, c'est Nawfal, tafaddali. Non, ça passe pas dans le son. Non. Pardon, ça passe pas dans le son. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Je prends un traitement assez fort pour la douleur. Ça y est, continue, inshallah ta'ala, quand tu termines, tu écris numéro 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخيرته. Je prends un traitement assez fort pour la douleur. Le problème, c'est qu'il me donne comme effet secondaire de l'insomnie et un état euphorique. Mon grand problème, c'est l'euphorie. Quand je prends ce traitement, je me sens toute heureuse. Je deviens hyperactive, j'oublie mon état dépressif. Est-ce considéré comme une drogue? Puis-je continuer à l'utiliser malgré ses effets secondaires vagues? Que Allah pour aujourd'hui dans la révélation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce médicament, que je ne connais pas bien sûr, si ce médicament fait de sorte que ça te donne de l'euphorie, c'est-à-dire que tu ne sais plus ce que tu fais. C'est-à-dire que tu ne sais plus ce que tu fais. Tu perds, yani, conscience. Yani, ça te rend, yani, ça te rend pas naturel. Yani, tu sors de ton naturel. Nan. Et que ça a rapport avec le mokh, avec la tête, le mokh, ça devient haram. Nan. Regardez, il y a un fruit, je ne sais pas si vous le connaissez chez vous, je ne sais pas d'ailleurs comment il s'appelle, mais peut-être vous allez me donner son nom, je ne sais pas si vous connaissez. Il ressemble un peu aux fraises. Il ressemble un peu aux fraises, mais si on en mange beaucoup, on devient sot. En arabe, ça s'appelle l'ange. Il se trouve surtout en Algérie, du côté de Midiana. Quand on veut aller vers Midiana, vers les montagnes, on le trouve. Il ressemble à des fraises, mais la différence entre les fraises. Les fraises, premièrement, ça se plante par terre. Et celui-là, c'est dans de petits arbres. Il ressemble aux fraises, il est comme ça petit, il a la même couleur rose, et bien sûr, pas le même goût. Celui-là, si on mange 3-4, c'est halal. Mais si on mange avec l'idée que on va devenir, yani, on va plus savoir ce que, on va avoir, yani, la tête qui tourne, ça devient haram. C'est comme le petit lait. Le petit lait, c'est halal, c'est un lait. Mais le petit lait, si tu en bois et tu vas rester au soleil, tu vas avoir des, yani, la tête qui tourne, tu vas plus savoir ce que tu fais. Dans ce cas, ça devient haram si tu cherches le soleil pour perdre la tête. Donc, toute chose, médicament, n'importe quoi, si on la boit et on perd l'akhor, on devient autre chose, ça, c'est interdit, bien sûr. Sauf si c'est un médicament qui est obligatoire. Et dans ce cas, on le prend pas avec l'idée de l'euphorie. On le prend avec l'idée du médicament. Non, on prend avec l'idée que c'est pour se soigner et non pas pour ressentir cette chose. Mais de préférence, cette horte devait poser la question à un médecin qui est musulman. Naam. Je peux le changer, Inch'Allah. Naam, change-le. Ça, change-le si tu peux. Naam. Parce qu'il te donne des effets qui te rendent de façon que tu n'es pas naturel. Naam. Si tu peux, Inch'Allah ta'ala, le changer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et crainte de tomber en autre chose. Naam. Et puis maintenant, même si tu vas t'y habituer, ensuite tu peux plus t'en entendre le temps passer. Tellement, yani, ça fait plaisir, on se sent, masha'Allah, etc. Ça ressemble un peu à la drogue, Allahu a'lam. Mais de préférence, si tu peux, demande à un médecin qui est, masha'Allah, un médecin qui est, par exemple, R. Choisis un médecin ou une femme qui est R, voilà, et dis-lui, voilà ce que je ressens. Mais à condition, voilà la mouchkila, c'est quoi? À condition que cette personne soit, yani, quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et de préférence quelqu'un, yani, qui est aussi dans le minhaj, quelqu'un, yani, qui connaît le din. C'est pas quelqu'un qui marche comme ça par hasard, il dit là c'est un médicament, prends-le, etc. Quelqu'un qui a, inshallah ta'ala, du ilm, si tu trouves, hein. Sinon demande à un médecin, inshallah Allah ta'ala dit us'alu al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que j'aimerais pas le prononcer d'une façon claire. Omifti Sam, tafadbali. Vous aviez parlé de la moquerie dans le din, que c'est du kofre. Or, est-ce que cela veut dire que si une personne varie d'une chose du din, on va dire un tel est kafir, il n'est plus musulman? Est-ce qu'il y a des conditions, par exemple, que la personne soit excusée par le djinn, on lui a parlé, etc.? Bien sûr, c'est normal. Quand on dit c'est du kofre, ça ne veut pas dire que la personne est devenue kafir. il y a une grande différence entre dire du kof et faire le kof et devenir kafir. On peut dire des choses qui sont kof, on ne devient pas kafir. Pourquoi? Des fois on est ignorant, des fois on a oublié, des fois on était inconscient, des fois on était forcé de le dire, des fois on était énervé, et comme ça. Non, il faut qu'il y ait des conditions, et il faut aussi qu'il y ait des mawana, il faut qu'il y ait des conditions et qu'il n'y ait pas d'excuses. Non. Mais quelqu'un qui rit d'une chose ou l'autre, on ne dit pas qu'il est devenu kafir. Mais on lui dit attention, tu as dit quelque chose de kof, ou tu as fait quelque chose de kof, attention. Yani, ça risque de devenir grave. Non. Jamais on dit de quelqu'un tu es kafir jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions et il ne soit pas excusé. Et ça, ce sont seulement les ulama qui peuvent ce qu'on appelle faire tahqiq al-manat. Et comme on explique la ayah qui est descendue dans Surat Tawba, c'est quoi la ayah sur les sahaba? Naam. Quand elle a dit l'extasio, est-ce que tu parles de celle-là? Quand elle a dit l'extasio. Tu parles de quelle ayah? Quand il a dit l'extasio? Ah, naam. Laqad kafartum ba'da imanikum. Sah. Laqad kafartum ba'da imanikum. Chauffe, il y a quelque chose de très important. Ba'da imanikum. Naam. Il y a quelque chose de très important. Cela peut être que il connaissait. Quand quelqu'un connaît et sait que cette chose ça se dit pas et que ça se fait pas et il l'a dit, ensuite on lui dit pourquoi tu as dit ça, il dit je plaisantais. D'ailleurs ils ont dit on plaisantait. Celui qui plaisante, ça veut dire il sait. Je sais que le djilbab c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a descendu dans le Coran. Je sais. Ensuite quand je vois une femme en djilbab, je dis celle-là est une tante. Une tante qui est en train de marcher. Des fois on disait c'est une 404 bâchée, une 404 bâchée. On voit une femme avec le niqab, pas le sitar, le niqab qui cache, qui laisse voir seulement les yeux. On dit voilà Zoro, Zoro est arrivé. Pourquoi tu dis cela, mon frère, ma soeur, pourquoi tu dis cela? Tu plaisantes, oh là, je plaisante. Ça c'est grave. Ça veut dire qu'il sait que c'est Allah qui a dit cela et plaisante. Il n'est pas excusé. Allah Moustan, celui-là il n'est pas excusé. Il n'y a pas de plaisanterie dans le din. On ne plaisante pas en insultant Allah ou là en insultant le prophète ou là en insultant quelque chose qui est venu d'Allah. Il n'y a pas de plaisanterie en ces choses. Non. Mais il y a des excuses. Il y a l'ignorance. Il y a quand on force quelqu'un. Il y a l'oubli. Il y a l'inconscience. Il y a beaucoup de, Inch'Allah Ta'ala, d'excuses. Non. Un jour je vous expliquerai beaucoup plus, Inch'Allah Ta'ala, comment Moussa alayhi salam, comment notre prophète Moussa alayhi salam a jeté les livres, a jeté la Torah et n'est pas devenu kafir. Pourquoi? Parce qu'il était dans un état de grand quoi? Radab, de grande colère. De grande colère quand il a su que sa nation a adoré le veau, subhanallah. Il est allé parler à Allah 40 jours. Il est revenu, il les a trouvés en train d'adorer le veau. Il a tiré son frère Haroun par la barbe. Il a jeté la Torah. Quand on jette la Torah, c'est quoi? Moi je jette le Coran. Normalement c'est kof. J'ai fait le kof. Mais est-ce que je suis kafir? Je ne suis pas kafir. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, quand il a jeté la Torah, il était dans un état de quoi? De radab shadid, de colère qui dépassait les limites. Pourquoi il tirait son frère par la barbe? Non, là, c'est pour ça que quand quelqu'un est dans un état de colère, grande colère, quand il dit tu es divorcé, elle n'est pas divorcée sa femme. Non. Est-ce que les sahabas en question sont devenus kafir? Non, ce n'étaient pas des sahabas, ceux-là. Non, ceux-là, c'était des munafiqoun. Ce n'étaient pas des sahabas qui ont dit cela, et les sahabas ne disent pas cette chose. Les sahabas ne disent pas cette chose. Ce sont les munafiqoun qui sont sortis avec le prophète Sassam pour montrer qu'ils allaient au djihad. Mais ce sont des munafiqoun et ce ne sont pas des sahaba radiallahu ta'ala anhum. Car ils sont devenus kafirun. Naam, ce ne sont pas des sahaba. Naam. La ukht Abdullah me dit qu'il est 23h50 en France. Naam. sont des hypocrites et non des sahaba. Non. Tayyib, c'est à qui le tour? C'est à qui le tour? Il est ici presque 2h du matin. C'est à qui le tour? Puis je ne sais pas c'est à qui le tour, je donne à Oum Shaima. Ça va aller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Quel comportement devons-nous avoir face au Adam via le net quand on habite dans un pays de mécréants? Via le net quand on habite dans un pays de mécréants, qui a la priorité sur l'Ikhama, la mère ou le garçon? Non plus vert encore. Pour la première question, que devons-nous adopter face au Adam via le net quand on habite dans un pays de mécréants? Est-ce qu'elle veut dire que est-ce qu'on doit dire avec le Adam quand il est à travers l'internet? Est-ce que c'est ça? J'ai pas bien compris la question, hein. En fait, je l'ai pas bien comprise. Mais inshallah ta'ala, devons-nous répéter derrière l'imam et faire doa? Ah naam. Ça. Et la deuxième, je vais te répondre à la deuxième question, inshallah ta'ala. Et Oum Shaima, inshallah ta'ala, je te répondrai à la première question après-demain, bi'idhnillah azzawajal. Après-demain, bi'idhnillah azzawajal, je répondrai à la première question. Je réponds, inshallah, à la deuxième question. Qui a la priorité sur l'iqama, la mère ou le garçon, non plus père encore? Inshallah ta'ala, j'espère que tu seras avec nous, inshallah ta'ala, le mercredi. Naam. Et si j'oublie le mercredi, inshallah ta'ala, tu me rappelles, bi'idhnillah azzawajal, si j'oublie de te répondre. Le garçon non pubère, il peut faire la ikama, il peut même faire la prière, il guide sa mère. Bien sûr, s'il a fait des ablutions. Premièrement, c'est pour l'encourager. Et deuxièmement, c'est pourquoi? C'est pour lui apprendre aussi. Non. Car Amr ibn Salima, radiallahu ta'ala anhu, c'est un garçon de 7 ans, il avait 7 ans, il faisait la prière, il guidait les sahaba. Les sahaba, masha'Allah. Il les guidait, quelqu'un de 7 ans. Au point que, lorsqu'il se prosternait, on voyait sa aura. Les femmes disaient aux hommes, dites à votre imam de cacher sa aura. Il a 7 ans, il est jeune, il ne sait pas, et puis ses vêtements sont déchirés. Ensuite, ils ont collecté de l'argent et lui ont acheté une belle cape ou un beau kamis. Il a dit, Amr a dit, je n'ai jamais été heureux dans ma vie comme le jour où on m'a acheté cette cape ou ce kamis pour faire la salat et guider les gens. Donc il avait seulement combien? 6 ou 7 ans. C'est lui qui a dit, il a dit, j'avais 6 ou 7 ans. Donc quelqu'un qui n'est pas pubère, si fait les ablutions normales, comme on les fait nous, hein, il peut, inshallah ta'ala, bien sûr, il se lave, les parties intimes quand il urine, etc. Il peut, inshallah ta'ala, nous guider dans la salat. Dans l'obligatoire et dans la nafila aussi. Donc il peut faire l'iqama, il peut faire l'adhan pour lui apprendre bi'idhnillah azza wa jal. Tfaddal maintenant. Et inshallah ta'ala, après demain, je te répondrai à ta question bi'idhnillah azza wa jal. Où est-ce que Bint Hashmi. Allah yahyik, fik barak Allah. Bint Hashmi. Attendez une seconde. Pour ne pas oublier, parce que salam alaykoum. Et s'il permet une femme de donner une partie de zakat elle-même à l'un de ses enfants mariés qui lui semblerait être dans le besoin, et peut-elle verser ses zakat à une personne pauvre vivant à l'étranger? Barakallahu fikoum. Naam. Une femme peut donner la zakat à un de ses enfants si elle sait qu'il est dans le besoin. Une femme peut donner la zakat à un de ses enfants avec condition qu'il est dans le besoin pour qu'il rentre dans les 8 groupes, pour qu'il rentre dans les 8 sortes qu'il y a dans le verset. Il faut que, ou bien il a des dettes, ou bien il est pauvre, ou bien il est miskin, ou bien il est voyageur, ou bien il va au hajj, ou bien il va acheter des livres de din. Tout ça, on donne la zakat, incha'Allah ta'ala. Et la même chose, on peut donner la zakat à une personne vivant dans un pays étranger. On peut lui donner la zakat à une personne vivant dans un pays étranger, faisant partie de la famille ou ne faisant pas partie de la famille. C'est la même chose. Naam. Oum Zakaria tafadhali. Il reste deux ou trois questions, inshallah. Oum Zakaria tafadhali. J'ai peur qu'elle tarde. Tayyib. Neh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les bonnes actions sont-elles retenues pour une personne qui ne prie pas? Comment sont jugés les enfants de musulmans qui meurent jeunes? Barakallahu fikoum. Je pense vous apporter que la voix commence. Amin ya Rabbal Alamin. En ce qui concerne quelqu'un qui ne prie pas, on ne peut pas lui dire, écoute, alors ne fais pas le ramadan, alors ne fais pas le bien, on ne peut pas lui dire. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quiconque fait un atome de bien va le voir. Et quiconque fait un atome de mal va le voir. Naam. On essaie de lui parler de la salat, etc. Mais on ne lui dit pas pourquoi tu fais le bien. On le laisse faire. Et s'il n'est pas un kafir chez Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui compter les choses de bien qu'il a faites. Et il va le châtier pour ne pas avoir fait la prière. Mais si c'est un kafir, et Allah subhanahu wa ta'ala sait cela, il ne va rien lui compter. Non. C'est pour la première question. La deuxième question, les enfants des mécréants qui meurent avant la puberté seront, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le paradis, seront les serviteurs des paradis. Vous savez, dans le paradis, il y a des gens qui nous servent, les serveurs. Ils se servent à manger, à boire. Parmi les serveurs qui vont servir, il y aura les enfants, bi'idna ta'ala, des mécréants, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih. Et il y a aussi un hadith dans le Bukhari qui dit qu'ils sont dans le paradis, mais il n'a pas dit serveur. C'est dans un autre hadith de Sheikh al-Albani où il est dit qu'ils seront des serveurs, bi'idnillahi subhanahu wa azza wa jal. Naam. Qui Oum Abdallah. Naam. Salam alaikum. Vous avez dit dans le cours que ce n'était pas la sourate le fait qu'il faut arrêter lors du mariage, mais plutôt une doua. Est-ce une condition d'acceptation du mariage, ou est-ce que les mariages, ou est-ce que le mariage, il a été la sourate Fatiha ou d'autres sourates du Coran, sont quand même valides? Naam. Tous les mariages où il a été cité la Fatiha sont des mariages valides. Naam. Chaque mariage où on a lu la Fatiha au lieu de faire le doua, c'est un mariage valide. Mais ce mariage contient une petite faute, laquelle? C'est de s'être trompé, d'avoir lu quelque chose qui ne se dit pas, c'est tout. Le mariage, c'est quand l'homme, yani le mahram de la femme, est présent pour représenter la femme, et qu'il y a les deux témoins, le mariage, là, c'est terminé. Surtout s'il va donner une dot. Naam. Maintenant, ce qu'ils vont lire, ce qu'ils vont pas lire, ça rentre pas dans le mariage. Maintenant, s'ils vont lire le doua, ils vont faire la sunna. Ils vont avoir un ajr en plus. Pour avoir fait la sunna, c'est tout. Et s'ils lisent la fatiha, on voit pourquoi ils l'ont lu. S'ils savent pas, on les excuse, on leur dit, bon, vous savez pas, vous êtes trompés, ça se lit pas, il n'y a pas de délire. Mais s'il dit, je la lis moi, je m'en fous, je la lis, on lui dit, tu fais bida, alors tu fais des innovations, tu innoves des choses de ta tête, tu inventes. Nous, on te dit, il n'y a pas de délire, donne-nous le délire, qu'on est le fatiha. Il va pas trouver. Imen Qawi, tfadl, ou la haute tfadlari. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Est-ce que pour les petits péchés, on doit aussi faire la tauba? Sinon, que doit faire? Le faqir, Allah, tu m'as trompé, je croyais que tu étais imam qawi bi'idnillah. Allah yahdik. Naam. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous pouvez me dire, les œufs non restés plongés directement dans l'eau bouillante deviennent-ils impurs et donc non consommables? Barakallahu. Vous pouvez me dire, cher, quels sont les âges pour ceux qui font les jours blancs, 13, 14, 15, ça veut dire Naam. Pour les œufs, il n'y a rien dans le dîn qui dit qu'on doit les laver. Si on les lave, c'est juste pour pourquoi? Parce que par exemple, les œufs sont sales. Mais s'ils sont passables, les œufs, je les mets directement dans la marmite ou dans je ne sais pas où. C'est pas la peine de les laver. Même maintenant, si on dit il faut les laver à cause du din, on va entrer dans la bida. Non, si on dit c'est le din qui a dit il faut les laver, c'est haram, si on ne les lave pas, ça devient bida. Maintenant, si on les lave parce que les œufs sont sales, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime pas une chose sale. Je voudrais la nettoyer, ça. Mais si elle est propre, elle est comme ça, blanche, toute blanche, propre, je vois pas pourquoi je vais la laver. Il n'y a pas dans le din laver les œufs. Il y a manger les œufs, c'est pas les laver. Nam. Taïb, autre chose. Le Hajj, le 13, 14, 15. Nam, il y a beaucoup de Hajj quand on. Il y a beaucoup de Hajj quand on fait le 13, 14, 15. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup ses jours. Faisait beaucoup ses jours. Mais je ne connais pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme Hajj. Je ne connais pas un hadith qui dit qu'il a tel et tel Hajj. Mais je sais que c'est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand la lune est pleine. La lune est pleine de faire le siyam pendant ces trois jours. Certains ulama ont dit que pendant que la lune, lorsque la lune est pleine, il y a beaucoup de. La lune a une influence sur les personnes et sur leur cœur. De façon à ce que il a été prouvé que pendant ces trois jours, ou là ces trois nuits, il y a le plus grand nombre de crimes qui se passent dans le monde. 13, 14, 15 arabes quand la lune est pleine. La lune, ils ont dit, elle a une influence sur les gens, sur leur cerveau, sur leur cœur, etc. C'est pour ça qu'ils ont dit que le prophète a dit qu'il fallait jeûner ces jours-là pour se maîtriser, pour affaiblir yani, ce qu'il y a en nous comme yani, une force qui pousse à faire le mal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Je m'arrête ici parce que je commence à avoir mal à la tête. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نلتقي ان شاء الله تعالى